divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On accueillera une nouvelle recrue, Frédéric Bernard, et son segment Crackpot TV. Et on mangera peut-être quelque chose cuisiné dans un crackpot dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on t'en dirait des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce mercredi 7 janvier 2015. Yay! Yay! Ça va bien, Steph? Tellement, toi! Ah, mais ça! Hey, j'ai pris du Ritalin. Du Ritalin. Pour me calmer de mon énervement, c'est connu. Hein? Oui. Je suis un gars tout le temps, c'est nerf, en train de bouger. Hein? Non, j'ai pris du truc pour dormir. Après, essayer de voir si je peux dormir. Ah! Du truc pour dormir comme. Du Zico! C'est comme du NyQuil, mais sans le médicament pour le rhume. Oui, j'ai entendu vaguement parler. Ça marche, je pense. Ben, en tout cas, j'ai dormi. Ah, alors que la nuit d'avant, je dormais au moins... Pas. 3 heures en tout, genre, alors que je me réveillais au demi-heure. Bref, c'est pas important. Toi, t'as bien dormi, oui ou non? Étonnamment, oui. J'ai bien dormi. J'ai dormi 6h53. OK, good job. Je me suis réveillée juste une fois, contrairement aux autres nuits, je me réveillais 3 fois. Et j'ai seulement eu 13 minutes agitées, contrairement à une quarantaine minimum les autres nuits. Wow. Et pour ceux qui se demandent, comment avez-vous autant de détails sur votre sommeil? Ben quand il y a des applications pour ça, faut croire, hein? Mais oui! Tout le monde me demande c'est quoi la mienne. Moi, c'est Smart Alarm. Moi, j'ai mon petit bracelet Fitbit. Voilà. Chacun sa façon de faire, mais faites la même chose. Si vous avez de la misère à dormir, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est intéressant. Tu peux voir, peut-être faire des corrélations avec ce que tu as fait avant de te coucher. Pour Regarder ton téléphone, mettons. Programmer ton Fitbit. Mettons. Donc, ça peut te donner un indice sur peut-être ce qui t'empêche de dormir. Ouais. L'heure à laquelle tu te couches. Oui, exactement. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Steph, on va voir à 8h30 un nouveau chroniqueur, Frédéric Bernard. Mm-hmm. Vous le connaissez peut-être de la Luître, la Ligue d'improvisation à l'université. Il fait de l'humour là-dedans, mais ici, il va nous parler de télé dans Crackpot TV. Ça s'en vient, ça, c'est à 8h30. On va aussi faire ma collègue une grosse pointe d'adresse à 9h. Ah, ça tombe bien. Ouais, on mange tous les mercredis dorénavant pour la session d'hiver. On va alterner entre une grosse pointe d'adresse et Master Steph. Oui, exactement. Voilà. On va commencer l'émission avec Sex Smith, ça devrait pas, on l'a, la collègue des gadgets inutiles. Bon, ça c'est une bonne chose. Oh, oui. Moi, tout ça, là, ça me convient 100%. T'as aucun problème avec ça? Aucun. Est-ce que tu veux que je t'ajoute une plus-value, une valeur ajoutée encore? Oh, mon Dieu. Tu vas me gâter? Oui, commençons avec une nouvelle entrée de Elephant Stone. Oh mon Dieu! Enfin, des nouvelles entrées dans les palmarès. J'en compte 7 nouvelles entrées cette semaine. Parce qu'on n'a pas eu de palmarès depuis le début du mois de décembre. Quel est le ratio franco-anglo? Bonne question. 5 franco et 2 anglo. Oh! Dont une nouvelle plus tard d'un autre groupe que j'aime beaucoup en anglophone. Mais commençons avec Elephant Stone et Knock You From Your Mountain tout de suite au 89.1 FM. I'm Elephant Stone et Knock You From Your Mountain sur l'album de Three Poisons. Nouvelle entrée en 20e place anglophone des palmarès, c'est fou. Ici c'est... à Assemblage Requis. C'est pas mauvais. Ben, j'imagine, hein. J'imagine. Il y a juste de nouvelles entrées dans le palmarès anglophone, fait qu'elles sont tight, là, tu sais. Sont, pas le choix, pas le choix. Ouais, pas le choix. Tiens, on est tight comme dans On est serré. Mm-hmm, on a les poches serrées. On a pas beaucoup d'argent après les fêtes d'habitude. C'est la ceinture de serrée aussi. Donc, oui, très bon, très exactement. Très bon moment pour s'acheter plus d'affaires encore. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on achète des choses sur Internet, des choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais on s'en crée dessus des besoins d'envie. C'est pas ça que je pensais que t'allais dire. Non? On s'en crée! On s'en criffe! On s'en criffe! Voilà. Donc, commençons avec un petit bloc sur ce qui se boit et se mange. Donc, un bloc alimentaire, comme on aime le faire une fois de temps en temps. Caféine, c'est cool. Mm-hmm. Pas l'artiste, ben, il est bon lui aussi, mais on aime s'insérer de la caféine liquide souvent dans le corps le matin. Et il y en a qui aiment ça débuter leur journée ou la terminer peut-être avec un petit peu de cannabis pot crackpot. OK. T'sais? Donc, pourquoi ne pas mélanger les deux ensemble? OK. Ouais, c'est une genre de pipe mug. C'est la, en fait, ça s'appelle la Pipe Mug, c'est le nom du produit. Hein. Disponible chez Zang. C'est une tasse à café en céramique à 50$ avec une pipe qui est supposée être utilisée seulement pour le tabac. C'est marqué. Hein? Ouais, ouais. Donc, dans la poignée de la tasse. C'est la tasse parfaite pour se réveiller le samedi matin, peut-être. Ou sinon, pour certaines personnes, peut-être, à tous les matins. Donc, c'est la seule tasse avec une pipe dedans dans le monde au complet. Ne faites pas de compromis entre le confort et la drogue, votre utilisation de drogue douce, j'imagine, quand vous buvez votre café. Voilà. La Pipe Mug en majuscule en plus pour 50$. Encore une fois, c'est en céramique et il y a deux grandeurs. Sur les photos, on voit une tasse plus petite, un genre de gris vert, si on veut. Et une, gris bleu. Argile. Mettons. Et une plus grosse mauve, vraiment genre. C'est qui le. Qui est mauve, le gars, la Tinky grosse Winky. Dessin. Non, l'autre. Barney. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est The plus High Make Your Mother. Non, c'est pas ce Barney là. Mais non. Ben, non. Pipe Mug. Ensuite, pour vos animaux de compagnie, tiens, lorsque vous lancez votre petite collation, une petite gâterie à votre animal de compagnie, ben c'est plate, c'est bien trop facile. Hein? Donc avec le Pet Snack Launcher, vous allez pouvoir lancer votre snack, votre gâterie à 20-30 pieds de distance. Comparé à ce que votre bras peut faire si vous n'êtes pas un expert baseballer. Oh boy, je pense que c'est plus pour les chiens, parce que moi, mon chat va l'avoir dans le front, ça va finir là. C'est aussi avec un laser, pointeur laser, pour faire de l'exercice encore plus en non, cherchant le point rouge. Non, c'est pas bon, ça. Je l'ai dit que c'était pas bon. T'as raison, pas pour les avions non plus. Hein? De pointer vers les avions avec. Tu sais, il n'y a pas. Ça se rend pas. C'est-tu un mythe, ça? Ben oui, c'est un mythe, parce que déjà, un, ça se rend pas. Ouais. En tout cas. Donc, c'est ça. Vous appuyez sur les gâchettes, vous pointez le truc laser. Chiant. Donc, le Pet Snack Launcher. Ça peut servir de. Aussi, si tu veux attaquer tes amis. Oui. Ouais. On faisait ça avec nos brocheuses au primaire. Uh-huh. Je sais pas si le bœuf ou le poisson, y a-tu une des gâteries qui va frapper plus fort? Est-ce que c'est plus lourd du bœuf que du probablement, poisson? Probablement, ouais. Peut-être. Ouais. Des questions, il y a tellement des questions. Si tu veux punir ton chien, tu mets des petites roches. Oui. Ensuite, quand vous buvez de la bière dans un verre, une bière en fût au bar, quelque chose comme ça, vous vous trempez, mettons qu'on est en plein November pour certains, sinon à l'année longue pour les hipsters, vous vous trempez tout le temps la moustache dans votre bière, dans votre verre. Ah, c'est pas le fun, moi je comprends ça, là. Pas ça m'arrive tout le temps. Avec ta moustache, hein, tout le temps, tout le temps. Donc il te faut le Whisker Dam, un peu comme un barrage de castor, mettons. OK, ou comme le Grand Dame, la voiture. Exactement. Les Dames de cœur, l'émission de TV. Oui, les années, oui. Ouais, c'est ça. Donc, les Whisker Dame, Whisker pour moustache, bien sûr, mais moustache plus de chat, là, les poils. Donc, c'est à peu près ça. C'est une solution facile à utiliser pour empêcher votre moustache de toucher au breuvage que vous consommez. Hein? C'est un produit premium fait à 100% de cuivre. Hein? Et garni de barrières non toxiques, bref, tout ça. Et c'est fait à la main, à la perfection. Et vous allez évidemment pas perdre votre mousse sur le dessus de votre verre aussi. Mais est-ce qu'on peut mettre ça sur n'importe quelle grandeur de verre? Excellente question. Je ne vois qu'une seule grandeur dans les photos en ce moment. J'imagine que c'est les verres de bar qui sont standards, eux, les pintes, là, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Quand j'arrive au bar et qu'ils me demandent quelle grandeur, là, ils me disent une pinte ou une peu importe. Là. Je fais comme ouais. J'ai aucune idée. Ouais, sûrement. Le format avec le. Tu demandes, ça, c'est gros comment? Gros comment? Puis là, j'ai l'air d'un loser! Ben non! Bon, donc Whisker Dam, voilà. J'imagine que c'est standard. Ensuite, Steph, tu t'es toujours demandé comment acheter de la variété dans ta vie. Ouais. Surtout avec tes œufs à la coque. C'est vrai, ça. En fait, vraiment à la coque, moi, je te dirais c'est plus des œufs cuits durs. Ouais, tu m'as déjà corrigé là-dessus, en effet. Je retiens pas mes leçons, hein, mais j'apprends pas. Donc, œufs cuits durs, la différence... Répète-la pour les gens qui n'ont pas compris à la maison, la différence entre œufs cuits durs. Ben, œufs cuits durs, c'est ce qu'on appelle généralement œuf à la coque. Un œuf cuit dur, c'est le jaune est cuit. Mais un œuf à la coque, c'est tu peux le mettre sur un petit support, puis là, tu coupes le dessus de ta coquille. Le blanc est cuit, mais le jaune est coulant. Voilà. C'est un œuf à la coque. Ça, j'ai jamais goûté à ça. Ça a l'air bizarre avec le jaune coulant, je pense. Ben, est-ce que des œufs tournés, est-ce que t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Bon, ben, t'aimerais les œufs à la coque? Ouais. Ben, c'est pas mal semblable. Ben, c'est chaud. Ben oui, c'est chaud. C'est chaud, OK. Bref. Donc, le Egg Cuber, qui permet de prendre vos œufs cuits durs, hein, et faire deux des cubes. Hein? Oh! Ça explique pas pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça, mais quand même, le contenant a l'air d'un pilulier ou d'un contenant à pilules de pharmacie, je trouve. Moi, je trouve, on dirait un sablier. Aussi, c'est vrai. Et on voit à côté le petit œuf cuit dur en forme de cube. Ça a l'air de fonctionner. Donc. Mais je comprends vraiment pas comment ça peut fonctionner. C'est pour 13$ sur Amazon en ce moment, si ça vous intéresse de l'essayer. Ouais, mais ça marche comment? Je comprends pas. Je sais pas non plus, ça le dit pas sur... Parce qu'un œuf, t'es pas supposé le casser quand tu fais un œuf cuit dur. Mais comment il peut être carré? J'imagine que c'est à un certain moment de la cuisson, tu vas pouvoir l'insérer dans le gadget. Je sais pas. Ou peut-être que tu l'insères dans le gadget dès le début et ça peut aller au chaud... que les températures appropriées ouais, pour un œuf. Mais comment tu fais pour... Je comprends pas, là. On dirait physiquement, ça marche pas. Physiquement, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Je pense que peut-être dans Portal, ils l'ont peut-être transféré dans... Ah, ouais. Dans ça une autre dimension, quelque chose comme ça. Donc, si vous arrivez pas à remplir votre sandwich aux œufs en tranches, mettons parce que les coins sont ronds, ouais. On nous dit que vous pouvez trancher des tranches rectangulaires. C'est vrai. C'est vrai. Donc, OK. Ça dit... Okay, que vous allez devoir enlever la coquille d'un œuf cuit dur, le placer dans le cuber et ensuite le laisser dans le réfrigérateur pour refroidir. Et ça va créer l'œuf parfait pour remplir vos sandwichs. Okay. C'est ce que la page sur Amazon me dit. OK, donc il est cuit puis après il va prendre la forme d'un cube. Après ça, redevenir froid et après ça, on le tranche pour le mettre dans le sandwich. Ah, ça, c'est bizarre. Moi, je préférais mes œufs chauds dans mon sandwich, il me semble, non? Mais ça pourrait être bon froid aussi. En tout cas, bref. Ben, des sandwichs aux œufs, mon cher, c'est toujours froid. Ouais, mais les œufs pilés, mais les œufs dans un sandwich. Moi, j'aime bien mettre un œuf chaud, salade, tomate, toast, mayonnaise. Ben là, commence pas à faire des cubes d'abord. Ben là, Colin. Parce qu'en passant, faut pas faire réchauffer ça au micro-ondes. Hein. Une fois les œufs cuits durs. Ouais, quand ils sont cuits, même si t'as enlevé les cales, fais pas réchauffer ça au micro-ondes. Okay. Ça explose pareil. Hein? Tester. Et... Ah, ouais. Ouais. Ah, ben. Ah, ça, j'avoue que j'aurais pu faire l'erreur, ça. Oui, ça, je pense que ça peut arriver à tous. On revient au vin. Tantôt, on a parlé de bière et de se protéger la moustache. Oui. Des fois, quand tu bois du vin, ça se peut que t'aies un petit peu de vin rouge sur le bout du nez. Ah. C'est pas très beau, donc il te faut la coupe silhouette qui va protéger ton nez quand tu vas boire ton vin. Et en fait, ça va protéger ton nez et en plus, ça te permet de sentir le vin de plus près. C'est donc le Silhouette Sense Enhancing Wine Glass avec un petit creux d'un côté pour que votre nez puisse fitter dedans. Hein, vous pouvez voir aussi sur l'article une photo de la femme en train de boire dans, cette coupe-là. La compagnie dit que ça va vous aider à goûter le vin de meilleure façon parce que vous allez pouvoir mettre votre nez directement dedans et sentir et mélanger l'odeur et le goût ensemble. Ça a du sens. C'est clair, si je donne ça à des gens sans leur expliquer, ils vont boire dans le petit trou. C'est vrai. C'est sûr et certain. C'est vrai. Et tout ça, c'est pour 50$ pour une seule coupe. Ouf. 50$. Ensuite, on reste dans le domaine du vin et vous allez vous rappeler probablement le sketch du Bye Bye avec Claude Dubois qui buvait dans une énorme coupe. Oui. D'après moi, c'est là qu'ils l'ont prise. C'est la Full Bottle of Wine Glass, la coupe pour mettre une bouteille de vin au grand complet pour 10$. C'est moins cher que l'autre avec le trou pour le nez. Ben, c'est moins fendant aussi. Tu vois, c'est un peu plus soulon celle-là. C'est un peu moins classe. Donc, une seule coupe, 10$ encore. Ça a l'air pesant. Vraiment. Même sans le liquide, ça a probablement plaisir. Qu'est-ce que tu penses de boire directement dans la bouteille? Tant qu'à y être, tu sais. Mais là, l'odeur, encore une fois, là, ça. Dans ta coupe, sûrement que l'odeur doit être assez présente. Ouais, non, je m'excuse, mais si t'es fancy, tu mettras pas ta bouteille au complet là, dans ta coupe, là, donc tu t'en fous de l'odeur. Tu vas en mettre une petite portion, puis tu vas l'agiter, le tourner, faire un paquet d'affaires préférentielles. Le gargariser, le cracher. Ouais. Ben justement, prenons le seau dans lequel tu gargarises ton vin pour tout mettre ton, ton vin. On passe maintenant, à la poitrine féminine, hein, avec une brassière qui va se serrer automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. D'accord, donc c'est la Bionic Bra. Professeur Julie Steele et Dr. Sheridan Go qui nous présentent ce prototype-là qui utilise un sensor pour détecter les mouvements des seins. Il va donc serrer la brassière pour donner plus de soutien. Ah, hein? Comme quand tu fais du sport, comme par exemple. Comme quand tu fais du sport, quand tu cours, des trucs comme ça. Oui, courir, faire du sport, c'est... Ça en est un, ça. Ouais. Un sport. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Dans une université, ils ont travaillé avec ça depuis un bon moment. Donc, on a enquêté sur le mouvement de la poitrine féminine pendant l'activité physique pendant plus de 15 ans, bref. Et on a étudié les dommages à long terme que ça pouvait faire de se brasser les seins, dont les problèmes de nerfs et d'épaule, de cou et de dos. C'est intéressant, ça. Voilà. Ensuite, on reste dans les seins et on essaie de les raffermir, je crois, avec un bâton. C'est le Breast Beautifying Hand on a Stick, c'est une main en plastique avec un bâton au bout. Ça s'appelle en japonais l'Opai Taisu Hand. C'est un morceau de plastique à 28$ qui est supposé faire que vos seins c'est de plus belle apparence et que tu te sentes mieux avec tes seins. Donc on prend le gras dans l'arrière et on essaie de l'amener vers l'avant. C'est avec n'importe cette quoi. Main-là. Donc c'est une question de ligaments. Si les ligaments n'ont pas assez de mouvement, le gras dans la poitrine va commencer à aller vers l'arrière. Donc ça va faire des seins qui ne sont pas de la bonne forme. Ça va apparemment détacher les ligaments du sein et des muscles de la poitrine et ça va diriger le gras vers l'endroit où il devrait être, c'est-à-dire dans le sein lui-même. Tant qu'à ça, tu peux te masser à main nue. Probablement, ou te faire masser par ton copain-copine. Bref. Non, mais souvent, ça dégénère, ça. Ça finit par... Ça marche jamais. Non. Bon, moi, les vertus thérapeutiques, ils perdent de l'importance. Ça marche pas pour ça, mais ça marche pour d'autres affaires, donc tout le monde est content pareil. Non, si tu veux ça, toi. Ouais, ouais. Si tu veux juste te refaire placer. Ça avait raison. Bref, l'Opai Saisu Anne, 28$. Ensuite, est-ce que t'as vu passer ça sur les réseaux sociaux que Play-Doh avait sorti une seringue à pâte à modeler qui avait, relativement parlant, la forme d'un engin masculin? Non. Pas vu ça? Ben, c'est le cas. Et les photos sont assez évidentes sur assemblagerequis.com. Play-Doh. Ouais, même nervuré, je te dirais. Nervuré en plus. T'as le gland, on va le dire, au bout, qui squirt de la pâte à modeler de différentes couleurs. Et t'as en plus la place où mettre tes doigts pour tenir la seringue qui pourrait s'apparenter au début de certains certaines petites balles qu'on a dans l'engin masculin. Donc c'est pour le Play-Doh Sweet Shop Cake Mountain Playset à Noël. C'était un truc pour mettre du glaçage sur des pâtisseries. Bref, qui venait avec l'ensemble et ça ressemblait pas mal à ça, un engin masculin. Donc la compagnie Play-Doh qui va rappeler ces ensembles-là pour qu'on leur renvoie. Ils offrent de remplacer l'objet offensant. Oh ben là, quand même, sérieusement? Ouais, ils offrent ça. Ensuite, c'est votre kit pour faire vos propres figurines de super-héros. Ah? Ouais, des figurines, c'est bien cool, mais à un moment donné, tu vas pouvoir peut-être arranger ça, personnaliser ça. C'est chez Thingy qu'on a exactement ce qu'il nous faut. Avec ces figurines de 6 pouces, c'est donc complètement blanc et on vous permet de créer votre super-héros vous-même. Vous pouvez peinturer ça, leur donner des armes qui proviennent de d'autres figurines. Évidemment, ça vient pas avec les armes. Il faut prendre des figurines de la même grandeur environ et leur donner les armes. Il y a des versions hommes et femmes avec une cape d'incluse, 14 points d'articulation et 3 ensembles de mains possibles. Il y a le poing, la main ouverte et une main pour tenir une arme. Et ces super-héros-là sont faits de PVC semi-flexible. Une de ces figurines-là coûte 13$ américains. On peut acheter le modèle masculin et féminin ensemble pour 20$, donc économiser l'équivalent de 6$ sur les deux. Et vous pouvez voir un avant-après, donc blanc et ensuite peinturé en gris et rouge pour le garçon et en vert, jaune et noir pour la femme. Mais c'est parce qu'il faut que tu aies du talent là, pour faire ça. Moi, oui. Je suis vraiment nul. Exact. Je préfère quand c'est déjà peint. Exact. Tu peux magasiner, il y en a tellement des super-héros que t'en as sûrement un quelque part que t'en ressembles là-dedans. Bon. Tu seras jamais Super Steph si tu colores pas toi-même. Je suis pas super Steph. Tout ça, tu parles d'un autre super-héros. T'es moyenne plate. Steph. Juste correct, Steph. Adéquate, Steph. Adéquate, Steph, j'aime ça. Stéphanie par adéquate. Justement. On reste dans le domaine des super-héros. On y va avec des jerseys maintenant. C'est Geeky Jerseys. Voilà. C'est une édition limitée. C'est des jerseys de hockey ou de baseball avec des thématiques inspirées par les jeux vidéo, les films et les émissions de télé. Par exemple, ici, c'est quoi? C'est Captain America. C'est ça? Oui. Voilà. Avec le nom Soldier en arrière et numéro 25 sur son dos et sur les côtés des manches. Le nom, c'est plus le rôle. Le rôle, c'est un soldat, Captain America. Ouais, c'est ça. Okay. Et Batman, c'est un Crusader. Et Doctor Who, le Crusader, ça veut dire quoi, ça, Crusader? Ouais, je sais pas trop ce serait quoi le mot en français. Le gars qui va en croisade. Genre, ce serait à peu près ça. Et le gars dans Doctor Who, lui, c'est écrit Docteur en arrière. Voilà. C'est les seuls qui sont en stock, et Captain America, Batman, en ce moment. Mais là, t'as skippé le plus hot. Est-ce que j'ai skippé? Skywalker. Ah, je t'ai pas rendu là encore. Ouais, Skywalker, en effet. C'est hot. Avec le logo de Rogue Squadron à l'avant. T'as les Mercs pour les Mercenaries, j'imagine, avec le mot esclave. Je connais pas ça. Moi non plus. Burgundy, j'imagine que c'est peut-être Ron Burgundy du Channel 4, dans Anchorman, présentateur vedette. Ah, ouais. Les Blue Bombers avec Rockman, ça c'est pour Mega Man, série de jeux vidéo. Ça, je connais pas. The Dude dans The Big Lebowski. Et t'as un paquet d'autres, mais les autres ne sont pas en stock. T'as aussi Breaking Bad avec Los Pollos Hermanos. C'est le fun, ça. Ouais. Donc les jerseys coûtent environ entre 99 et 105 $ américains chacun. Ouf. On peut les personnaliser avec le nom et le chiffre, le numéro qu'on veut. Lorsqu'on commande Geeky Jerseys sur geekyjerseys.com. Ensuite, vous avez entendu parler de ça dans tous les médias, partout, mais c'était... on mentionnait tout le temps que 2015 est l'année dans laquelle Marty McFly s'en va dans Retour vers le futur, deuxième partie. Ben oui. Donc, on a un kit à 30 000 $ pour convertir votre DeLorean en voiture qui voyage dans le temps, presque. Donc, c'est un kit disponible chez Bob's Prop Shop sur eBay. On peut acheter le kit à 30 000 $ et envoyer votre voiture DeLorean normale qui ne voyage pas dans le temps. Et en 3 à 6 semaines... Ah, c'est peut-être ça, le fait que ça voyage dans le temps, c'est que tu vas être 3 à 6 semaines plus tard quand tu vas recevoir. Donc, en 3 à 6 semaines, ils vont te renvoyer ta voiture ayant l'air d'une machine à remonter dans le temps directement du film, soit le modèle BT de Back to the Future 1 Plutonium, ou encore celle de Back to the Future 2 Mr. Fusion. Là, je connais pas la différence parce que je me rappelle pas d'avoir vu cette différence dans les voitures-là, mais quand même, ça existe. Mais déjà, qui aujourd'hui a une DeLorean? Ouais, ceux qui sont riches déjà pour commencer. Ouais, en plus du kit à 30 000 $, déjà t'as la voiture qui coûte plus cher que ça, j'imagine. Donc, on va faire des trous dans votre voiture. Là, évidemment, je dirai pas tous les détails, mais l'extérieur va avoir un truc en aluminium. Bref, et puis les côtés décorés avec un capaciteur, des trucs comme ça. Pareil comme dans les photos, donc il y a une galerie de photos pour vous montrer de quoi ça va avoir l'air. Mais si vous avez vu les films, vous êtes de toute façon au courant de quoi c'est supposé avoir l'air, une DeLorean qui remonte le temps. Voilà. On sait pas si on peut utiliser le kit sur d'autres choses. La question n'a pas encore été répondue. Mais quand même, une personne avec c'est sur eBay avec 42% de commentaires positifs qui a commandé cette DeLorean, le kit à 30 000 $. Bref. Combien de personnes a commandé? Ça dit au moins une personne avec 42% de positifs. Ah, okay. Donc on sait pas s'il y en a eu plus que ça depuis. Je sais pas si en fait si je me rends jusqu'à la fin de l'article. Peut-être cliquer sur le lien sur eBay, voir si quelqu'un d'autre l'a acheté. Tantôt. On va aller voir ça. Je suis à 30 000 $ pour acheter ça sur eBay, il faut vraiment que tu aies de l'argent qui fait rien. Là. Vraiment. Le vendeur, lui, a 100% de positif. Il y a 136 personnes qui surveillent l'enchère. Où est le... ça se situe où, ça, le chiffre de qui l'a commandé? Je vois. Parce que moi, je vois personne qui l'a commandé en ce moment-là. Là. 136 personnes qui le surveillent, c'est tout. Ah, et c'est un listing privé, il faut s'inscrire. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire à eBay pour voir le reste. Bon. Bref, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, une nouvelle compagnie de vêtements hollandaise a créé Space Life. C'est un produit d'édition limitée. C'est un manteau inspiré par un habit spatial classique. Donc, un habit d'astronaute pour aller dans l'espace. D'astronaute pour aller à l'épicerie. L'astronaute pour aller... Ben, en fait, tu pourrais aller à l'épicerie avec ça parce que c'est un manteau, un jacket. Ah! Oui! Donc, le Space Life, qui est rempli de paquets de fonctionnalités spatiales, c'est fait de tissus léger qui repousse l'eau et ça s'appelle du 210D Trailable Nylon Oxford. Alors que le capuchon, lui, est rempli de petites billes de vitre qui va réfléchir, refléter la lumière. Il y a aussi un haut-parleur Bluetooth et un microphone avec contrôle de lecture sur la manche, donc pour lire tes MP3. Il y a aussi un patch, un truc cousu dessus, d'une mission imaginaire vers Mars. Voilà. C'est cool, t'as vraiment de l'attitude quand tu portes ça. Tu look, là, tu sais. Ouais, t'as du swag. Oh boy, hashtag swag it up. Ensuite, quand t'es sur Internet, surtout les sites avec Flash ou Java ou des trucs comme ça, tu vas avoir un petit truc de chargement, même sur ton téléphone des fois, un truc de chargement, une roulette, mais un petit peu plus néon, tu sais, dépendant de l'application que t'as, des fois tu vas avoir une petite bulle qui va tourner, des fois ça va être d'autres affaires, t'sais. Mais on voit souvent le néon, c'est des lignes qui vont s'éclairer en tourniquet dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ThingMade a inventé, si on veut, la lumière néon la plus ennuyante ou la plus gossante, la plus fatigante sur la planète. C'est une version physique de cette icône-là que je vous décrivais. Oh yeah! Oh oui! Donc c'est le Gyroscopic Illuminated Figure. Il y a un gif animé sur assemblagehockey.com pour voir de quoi ça a l'air. C'est du néon, donc vraiment c'est éclairé, super beau. 36 par 36 par 5 pouces avec un petit bouton pour ajuster la vitesse de clignotement et de tournage, si on veut, de cette histoire-là. Et bref, c'est à peu près à ça que ça ressemble pour... un peu. Alors c'est ça, ok, je viens de comprendre parce que je disais que le GIF coûtait un certain prix. GIF pour Gyroscopic Illuminated Figure. Donc ça arrêtait pas de dire GIF dans l'article, c'est pour ça GIF qui se vend pour 20 000 $ américains. Voilà. 20 000 $ 20 000 piastres! Pour du néon! Voyons donc! Hey, hein? Jamais ils auront 20 000 $ pour ça, jamais. Et finalement, c'est un sifflet pneumatique de train, mais pour votre portique, votre entrée à la maison. Quand les gens sonnent à votre porte, à la place, ils vont pouvoir sonner avec un tchou-tchou. Ah, question de rester relax. Exactement, certainement pas faire le saut avec ça, là. Il n'y a aucune chance. Donc, c'est fonctionnel, un vrai klaxon de train. On peut l'installer sur son portique. Et puis... Il y a une petite vidéo sur assemblagehockey.com pour montrer de quoi ça a l'air. Et ça coûte 150 $ américains sur Hamaker Schlemmer. Je suis pas sûr que ça serait très efficace chez moi, étant donné qu'il y a déjà le train qui passe souvent. Ça pourrait être confondant. C'est vrai, il passe plusieurs fois par jour, ce train-là, à côté. Oui, plusieurs fois. Tu passes la nuit? C'est très rare. OK. Ah. C'est rare la nuit. C'est arrivé une fois, peut-être une ou deux fois depuis que je reste là, donc je suis là depuis le mois de juin. Ouais. Donc la nuit, je te dirais plus vers 11h le soir, là, donc non, ça n'a jamais vraiment dérangé la nuit. Ah, ben attends, c'est cool. S'il est passé, j'ai pas entendu. Ou tu dormais vraiment fort. Fais ça subtil. Ouais, je dors fort. Ouais, solide. Genre demain. Est-ce que tu penses qu'on a passé assez de temps pour que la page se charge? C'est un miracle? It's a New Year's miracle. On peut écouter le klaxon de train. Ok, c'est pas un vrai son de train. Ben ça ressemble un peu, non? Ben oui, pour un petit train en dessous d'un sapin de Noël. Il y a comme une petite poche d'air, on dirait que c'est fait en cuir, qui se compresse comme un genre de cône presque, avec les côtés plus plats. Et il y a une corde qui tire là-dessus, ça fait klaxonner le reste. Voilà, c'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On fait une autre chronique plus tard dans l'émission, je pense. Plus tard aujourd'hui. Ben oui. Mais avant ça, on prend une petite pause à Assemblage requis. Puis on vient avec beaucoup plus de contenu, dont la nouvelle chronique de Frédéric Bernard, Crackpot TV, tantôt. Ah, ben j'ai bien hâte de voir ça. Restez là. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à ensemble à jouer avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Nous sommes toujours mercredi le 7 janvier 2015. Dans une vingtaine de minutes, on a dit on va parler de télé avec Frédéric Bernard. Dans quelques instants-là, on va continuer avec quelques autres petits gadgets à se procurer sur Internet. Mais avant de continuer, je vais vous corriger les faits. Les publicités jouent encore des panneurs assez fous, c'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'en faire une nouvelle. Mais les panneurs assez fous, c'est dorénavant de 15h à 18h les mercredis. Le Mathieu Plante Show a pris la place de 1h à 3h, 13 à 15 les mercredis. On change de jour. C'est nouveau. Nouveau jour, même heure, même geekerie, comme je dis. Geekerie. Les mercredis. Donc geekerie. Tantôt, Mathieu Plante égale mercredi dorénavant. C'est assemblage requis le matin, Mathieu Plante Show à 1h, panneurs à 3h. Juste une grosse journée. Une grosse journée pour moi, ça. Donc, c'est aujourd'hui mercredi. Mais pour l'instant, une nouvelle entrée. On s'en va entendre du côté francophone, Les Passagers. Voici leur extrait, Le ciel est noir. Le ciel est noir. Comme on dit. La lune est claire ce soir. Tes idées noires sont bien trop claires ce soir. Tu bois trop fort. Les vagues collent à ta peau. Et les rêves vont. Se dissipent au rythme de tes mots. Passager, le ciel est noir, assemblage requis, waouh, hein? Deuxième pièce, deux autres avis, là, puis je trouve ça super bon. Leur autre pièce, dans le temps, c'était L'épave trouée. Ça avait été un succès énorme. Ça, je pense même que, si je me trompe pas, puis j'ai fait à côté de moi, fait que je peux regarder, c'était... c'était pas eux autres. C'est pas eux autres. Je pense que c'était eux autres, mais c'était pas eux autres. OK, on passe à autre chose. Voici, ça existe, ça ne devrait pas. Oh là, ouais, je fais comme je n'avais rien dit. C'était pas eux autres. Je suis mélangé. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique et des gadgets inutiles trouvés sur Internet. On continue avec plein d'autres affaires. Commençons par un petit bracelet qui peut démarrer un enregistrement TiVo quand tu t'endors. Ouais. Ben justement. TiVo, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez connaître ça bientôt au Québec. TiVo, le petit de la vache. C'est exact, c'est exact. Donc, pour le démarrer quand vous dormez, pour que pouvoir avoir du lait de veau, ou de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec du veau, du fromage, je pense qu'il fait avec la viande. Lait. La viande, ouais. C'est la fin. Non, TiVo, c'est le système de télé qu'il va y avoir au Québec bientôt via Cogeco. Là, ils vont sortir le TiVo au printemps, apparemment. ils vont accoucher le TiVo. Ils vont sortir le TiVo au printemps. Ils vont accoucher. C'est beau. C'est un système d'enregistrement de télé où tu vas donner un pouce en l'air ou un pouce en bas à des émissions, puis ça va te recommander d'autres émissions par rapport à ça. Puis tu peux aussi enregistrer dans plusieurs pièces, mettons, dans la maison. Tu vas pouvoir enregistrer une émission dans la chambre à coucher, puis l'écouter dans le salon, etc. etc. C'est TiVo. Okay. Ça existe. Aux États-Unis depuis super longtemps, mais au Québec depuis là. Donc, bref, c'est le Kipster de Virgin Media. C'est un bracelet qui fonctionne avec TiVo. Donc, quand tu t'endors, ça va dire à ta boîte TiVo de faire pause et ensuite enregistrer ce que tu regardes, ce que tu regardais finalement. Ah? Avant que tu t'endors, donc tu vas pouvoir écouter le reste plus tard. Et ça peut aussi redémarrer l'écoute quand tu te réveilles. Mais non, mais là, t'as manqué un bout. Ah, ça va redémarrer au ce que t'étais rendu. C'est ça. OK. C'est hot, là. Donc, ça a été inventé ou en tout cas fabriqué avec Manchester Creative Studio, des étudiants qui s'appellent Jonathan Kingsley et Ryan Oliver. Donc, ils ont utilisé un sensor d'oxygène dans le sang nommé un pulse oximeter pour déterminer si la personne s'est endormie. Et ensuite, ils ont utilisé une imprimante 3D pour créer le prototype. Donc, Virgin Media cherche des testeurs pour Kipster au Royaume-Uni en ce moment. Donc, vous pouvez vous faire payer au Royaume-Uni pour vous endormir et regarder la télé. Ben là, je veux dire, pourquoi qu'ils me prennent pas? Je suis une des meilleures là-dedans. C'est le rêve britannique que tu pourrais exaucer en déménageant là-bas, Steph. Ensuite, c'est une liseuse électronique flexible. Bon, une autre affaire qui plie. Une autre affaire qui plie, mais ça, cette fois-ci, c'est voulu. OK, OK. C'est voulu. Donc, c'est le CAD Reader Flex, qui n'est pas aussi mince ou flexible que le Paper Tab, dont on avait déjà parlé il y a quelques années, mais ça reste réel et disponible bientôt. C'est une liseuse électronique de 13,3 pouces qui devrait être parfaite pour lire des formats, des documents de format lettres, donc 8,5 par 11 pouces, en grandeur 100%, sans avoir à te plisser les yeux. Hein? Donc, le CAD Reader Flex... un écran d'encre électronique Mobius de 1600 par 1200 pixels. Pareil comme dans la tablette, la liseuse électronique DPT S1 de Sony, qui elle vaut 1000$. Donc le CAD Reader Flex devrait être plus durable que la tablette de Sony. Donc c'est là que la flexibilité de Mobius est enviable. Le CAD Reader Flex ne mesure que 6,5 mm d'épais, comparé au iPhone 6 qui fait 6,9. Donc c'est encore plus mince que le iPhone 6 et que l'iPad Air 2 qui lui fait 6,1 mm. Donc grâce à l'écran flexible, on peut évidemment laisser sa liseuse dans son sac et savoir que la pression ne le dérangera pas. Ça va simplement prendre la forme de ton bagage. Donc l'écran est anti-pliage, dommageable. Mais est-ce que tu peux la redresser après? Mais dans le fond, c'est que c'est tellement... La redresser. Ben, je pense même pas que ça aide. Je sais pas si ça aide. Je me demande, moi, quand tu la prends, mettons, dans tes mains, ça peut pas être mou, il faut que ça garde un format... Non, ça sera pas mou, mais je veux dire, avec la pression, ça plie. Ouais. Mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, il sera plus plat. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Ce qu'on voit dans la petite vidéo, en tout cas, les gens ont l'air de pouvoir l'utiliser en format tablette normale. Donc, d'après moi, ça doit reprendre sa forme. Ou en tout cas, peut-être pouvoir être replié à sa forme d'origine avec un petit peu de force. Et c'est aussi résistant à l'humidité et à la poussière. Voilà. Super. Et puis on espère que ça va pas se rendre au prix de Sony qui était à 1000$ comme on a dit tantôt. Donc le site web de Pocketbook est sur Pocketbook, tradeunionint.com pour en savoir plus. C'est là qu'on se rend. On peut lire des livres, des magazines, des paquets d'affaires comme ça. Ensuite, on reste dans l'encre électronique avec un clavier noir et blanc et tout ce qu'il y a entre les deux. C'est un concept, enfin on peut pas l'acheter encore, c'est Alexander Sui qui nous sort ce clavier avec un écran à encre électronique sur chaque touche. L'idée, ce serait d'avoir un affichage de raccourcis similaire au clavier Optimus dont on a déjà parlé dans cette chronique-là, qui afficherait des raccourcis clavier, mettons, pour Photoshop, pour Word ou différents logiciels comme ça. Donc sur chaque touche, on pourrait avoir le raccourci demandé. Et puis ça nous dit qu'en plus d'être capable de montrer différents symboles, c'est que le clavier lui-même serait programmable. Par exemple, il y aurait 50 différents formats ou différents paramètres de langue. Donc on pourrait avoir un clavier AZERTY pour les Français ou un clavier QWERTY pour les Nord-Américains. Donc on pourrait changer on the fly. Tu pourrais avoir un seul clavier pour deux colocs avec différents styles de clavier différents. Mm-hmm. Est-ce que j'ai dit différents styles de clavier différents? Je pense que oui. Ouais. Donc on pourrait changer les touches individuellement, aussi changer peut-être la touche caps lock pour devenir une touche .com pour les gens qui sont trop paresseux pour taper .com à la main. on dit donc c'est la compagnie qui s'appelle Jasta, JASTA.com, leur site web. Ils vont lancer une campagne de socio-financement pour ce clavier-là où on va pouvoir recevoir le périphérique versatile en récompense si on donne $300 américains. Donc on espère que la compagnie va se rendre jusque-là. Jasta.com. Il y a des photos du clavier sur assemblagerequis.com et le crowdfunding n'est pas encore commencé. Il faut s'inscrire sur leur newsletter pour savoir quand ça va être sur Kickstarter ou sur Indiegogo. C'est intéressant. C'est le fun, j'aime bien ouais. ça. Ouais, ouais. C'est quoi, 300 piastres? 300 ou 400 que j'ai dit tantôt? Trop cher déjà. Trop cher? Ouais, c'est ça, mais moi, pour un clavier qui fait autant d'affaires que ça, ça pourrait être un bon investissement. Ensuite. C'est évidemment l'explosion des appareils portables de fitness, ce qu'on appelle les wearables, depuis 2014-2013, ont pas mal été des bonnes années pour ça. Des appareils qui peuvent détecter votre battement de cœur, plein d'autres affaires comme ça. Donc un appareil maintenant s'appelle Medic 8 Health. C'est un stéthoscope numérique intelligent. Le produit s'appelle STETHEE. Donc c'est un stéthoscope plus précis que n'importe quel autre appareil portable. L'application vous permet aussi de connaître un peu à la fois sur votre santé pour peut-être améliorer des choses. Donc c'est utilisé, ça peut être utilisé avec une paire d'écouteurs Bluetooth. Il y a une paire de donc il y a une paire de lumières LED qui indique le statut et ça peut aussi vibrer en même temps que le battement de cœur du patient et d'autres sons internes. Ça peut aussi servir comme indicateur s'il y a un battement de cœur irrégulier, donc avec le son détecté et un moteur qui va vibrer en même temps que le son. Bref, un paquet d'affaires d'options comme ça. Vous pouvez, nous dit-on, écouter, voir, ressentir avec le STETHEE. Et ça va être disponible pour iOS, Android et Windows Mobile. L'application peut archiver les sons et envoyer ça au serveur de Medic 8 Health pour être analysé et en renvoyer sur l'application pour vous dire les résultats finalement. Ah, c'est le fun ça! Et on peut même partager les sons sur Internet, ça pourrait être utile pour les gens qui travaillent dans la santé peut-être. Et c'est super aussi pour les gens qui sont hypochondriacs, qui ont besoin d'être rassurés peut-être. Très bon point. Et encore une fois, le prix est quand même assez cher, c'est $200 américains. En fait, à l'origine, $249 australiens. Sur Kickstarter, vous allez pouvoir recevoir votre STETHEE comme récompense. On voit ici une marque qui le fait sur son petit garçon. Donc. Mais je pense qu'en fait, par exemple, si t'es aux États-Unis et que ça coûte vraiment cher d'aller consulter, je pense que ça, ça pourrait être très, très, très avantageux. C'est vrai. Si t'as plein d'enfants à la maison. Mm-hmm. Ouais. Et ben, c'est une bonne idée. Ensuite, ça c'est plus mon domaine à moi. C'est une figurine de Yoshi dans les jeux, la série des Mario, évidemment. Il y a déjà des figurines qui sont disponibles partout, mais ben des oui. figurines aussi flexibles que ça, vous en avez rarement vu. Flexible, c'est un Yoshi contorsionniste? À peu près, si on veut. Donc, si vous êtes prêt à sortir votre portefeuille pour acheter cette figurine de Yoshi avec tout plein d'articulations et même une langue qui peut sortir comme dans Mario World, il y a pas mal tous les jeux où Yoshi est présent. Donc la figurine vient d'une compagnie nommée SH Figarts. qui a aussi une figurine assez cool de Mario et de Luigi. C'est fait pour fonctionner ensemble, donc sur la même grandeur, pour pouvoir mettre Mario sur le dos de Yoshi, bien sûr. Mm-hmm. Et Luigi aussi. Donc Yoshi a inclus... Tu peux mettre Mario sur le dos de Luigi? ça le dit pas. L'histoire le dit pas. On peut mettre Yoshi, Mario et Luigi sur le dos de Yoshi. Donc il y a Yoshi qui a un harnais aussi pour accrocher vraiment les plombiers sur son dos, un à la fois, bien sûr. La nouvelle figurine va être lancée en mai 2015 pour environ 37$. Elle va être lancée au Japon aussi. Donc peut-être qu'on va pouvoir retrouver des sites japonais qui vont l'avoir avant les Américains. Mais on voit qu'il y a il y a des articulations à pas mal d'endroits. Évidemment, ses jambes, ses bras, tu peux plier au coude et au poignet. Ah ouais. Sa tête se tourne et sa langue peut sortir. Intéressant. Très cool pour 37$. Ensuite, on reste dans le domaine des Mario avec des carapaces de tortue imprimées en 3D. C'est des voitures téléguidées. Donc on va faire un semi Mario Kart sur une piste de go-kart avec ça pour essayer d'envoyer la carapace de tortue. Puis après ça, ben faire détruire ta carapace de tortue par les carapaces de tortue avec des ailes, par exemple, la noire, hein, elle a des ailes. Des ailes et des pics. Oui. C'est l'équivalent de la Blue Shell dans les plus récents Mario Kart, qui détruisent tout sur leur passage et en plus ils sont disponibles dans plusieurs couleurs. Moi j'aurais préféré s'il avait fait une carapace rouge sans pics sans ailes et la verte aussi sans pics sans ailes parce que dans le jeu, ils en ont pas. Ben non. Puis la noire, ben quand même, elle existe pas, donc elle, tu peux faire ce que tu veux avec. T'aurais même pu rajouter d'autres choses. T'sais. Ça peut être pic, elle, puis je sais pas, une langue de Yoshi, puis toute la quête. Pic, une cape. Pic, elle, poitrine. Oui, pic, elle, poitrine, sauce crémeuse, sa salade de choux, une petite queue de tanuki, puis une langue de Yoshi. Le kit au complet, c'est en noir. Voilà. T'sais. Tant qu'à faire. Donc, c'est ça, c'est sur Thingiverse qu'on poste les fichiers 3D. Et les instructions et les pièces nécessaires pour fabriquer vous-même ces carapaces-là qu'on peut pas acheter en passant. Donc, en plus de devoir imprimer en 3D les pièces, pas les pièces, mais les choses que vous allez avoir besoin, en plus d'acheter des pièces aussi, comme un moteur DC, un micro-cerveau et des bearings de skateboard, qui est un terme en anglais aussi. Vous allez aussi avoir besoin des pneus et de la suspension du New Bright Ram 1500 Model 2424. C'est une voiture téléguidée qu'on peut trouver en ligne pour $35 américains. Bref, on peut acheter ça peut-être pour 13 à 15$ chez Walmart, la pièce la plus importante. Bref, pour un certain total, probablement en bas de $100, vous allez pouvoir fabriquer vous-même votre propre carapace. Malade. Voilà. Ensuite de ça, on a parlé tantôt en première partie de cette chronique, ça existe, d'un manteau de l'espace. De l'espace dans le sens d'astronaute, pas d'alien. Exact. Et on avait même un petit badge pour dire qu'on allait aller faire une mission sur Mars. Ben oui. Ici, on retourne en arrière à Apollo 11, mais c'est des pyjamas et des habits de jogging, bref. Ah! Donc, c'est des Apollo 11 sweatsuit, disponibles chez Fancy.com pour $139. Évidemment, $139 pour des cotons ouattés. C'est un petit peu cher. Mais on ressemble à quelqu'un qui travaille vraiment fort dans l'espace. Ils sont tout crottés. Ça. Est-ce qu'ils sont... Ouais, ils sont pris crottés. Hein, ben oui, ils sont comme tout poussiéreux. Mais pour que t'aies l'air d'être vraiment allé dans l'espace. Ben oui. C'est ça. Moi, en même temps, j'achète quelque chose à $139, je veux le salaire moi-même. Mais c'est peut-être juste moi. Hein. Avec ta sauce à poutine. Pas besoin de me dire avec quoi. Je fais des dégâts avec tout, fait que ça. Ah ouais, t'es gaffeur. Tu peux maladroit, moi, tu sais. T'as-tu mon bureau quand je mange? Ouais. Bref, ensuite, c'est un vélo qui est fait pour être transporté sur ton épaule. C'est le shoulder bike. Mais là, ça sert à rien. Pourquoi? Ah, parce que tu vas rouler comment sur ton vélo et sur ton dos? Mais c'est ça. C'est fait pour ceux qui veulent peut-être monter une côte avec ça. Ah, OK. Peut-être monter à ton appartement qui est au deuxième ou au troisième étage. Escalier. Shoulder bike. Oui, parce que ça rentre rarement dans un ascenseur, c'est ça. Tu peux aller chez Sears peut-être monter au deuxième étage dans les escaliers roulants. Donc, c'est ça, quand t'as besoin de transporter ton vélo, tu peux le transporter sur ton épaule. Et moi, je trouve que le nom est beaucoup trop évident. Le shoulder bike, je trouve ça plate un peu. C'est fait pour être ergonomique sur ton épaule. Le siège est d'une façon stratégique placé pour pas te nuire. Shoulder bike, un design de Junko Kim qui est présentement dans la phase de prototype. Si tout va bien, il devrait y avoir une production commerciale bientôt. On s'entend, là, c'est beau, c'est très classe. Voilà. Et on va terminer avec un retour aux super-héros. On a parlé tantôt de figurines à peinturer soi-même. Maintenant, pourquoi ne pas faire votre propre bande dessinée de super-héros? C'est le Design Your Own Superhero Comic Book. C'est vrai. c'est quand même simple. C'est un kit qui contient tout ce qu'il vous faut pour créer votre propre bande dessinée, dont un stencil de carton, une bande dessinée blank, le vide, à remplir soi-même, un livre d'activité, des feuilles pour tracer vos personnages et une feuille d'activité pour vous donner des idées de choses à faire de plus, des petits conseils, des tuyaux, si on veut, de la part de vrais gens qui font des bandes dessinées. De vrais gens. C'est du vrai monde qui ont fait ça. Oui, oui. Okay. Crois-moi. Donc, le Design Your Own Superhero Comic Book est disponible en ligne pour environ 16$ américains. Cool, ça peut être un beau passe-temps. Ouais. Donc, voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Dans quelques instants, on va être rendu enfin à la nouvelle chronique qu'on agace, qu'on tease depuis le début de l'émission. C'est celle de Frédéric Bernard. Oui, on lui met de la pression. Je sais. C'est de même. On a hâte, là, c'est tant attendu. Parler de télé, c'est un sujet que j'adore. C'est au retour à Assemblage Requis. Ensemble jusqu'à 9h30, Steph. Pas merveilleux, ça? Oui, fantastique. Dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. C'est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 7 janvier 2015. Stéphanie Paradis, c'est toi. Mathieu Plante, devine c'est qui? Est-ce que c'est lui? Lui qui? Je pointe quelqu'un qu'on sait pas encore parce qu'on l'a pas présenté. Ben non, t'es toute seule, là, qu'est-ce qui se passe? L'illusion est brisée, le studio c'est pas juste deux micros. Il y a plus que... Non, c'est... il y a des chroniqueurs à tous les jours. Ça. Ben non, mais c'est parce qu'on échange le micro, là. Moi et Mathieu, on est allé au bout de la pièce. Là, quand je finis, je lance le micro. Là, il me le relance. OK. Tag team. C'est pour ça qu'on parle jamais en même temps. C'est ça. Wow, ça a même pas de sens finalement. Ça a même pas de sens. Une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone. Steph, tu m'as demandé tantôt, mais quel était l'autre groupe que j'aime beaucoup qui est revenu? C'est OK Go, déjà une nouvelle entrée. Ah. Sur leur album Hungry Ghost, voici Obsession. Sur C'est fou, 85. D'après ça, craque pas de TV. Movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. We'll be right back. light. Oh, it's not passing fascination now. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Wow. C'était OK Go et la pièce Obsession. Je me donne une dernière chance. On est de la nouveauté à matin, fait qu'on veut pas se presser. On veut vraiment faire les choses comme il faut. Donc on écoute Garoche à sacoche avec Pour Léa, puis on vient après ça, puis on parle de télé pour vrai. Puis là, c'est même plus des jokes là, après ça. Après ça, c'est vraiment vrai. Là, okay? Là c'est vrai? Ça va être vrai après. Là. OK. Moi, mon nom, c'est Cynthia, mais on m'appelle Cynthia. Moi, mon nom, c'est Sonia, mais on m'appelle Sonia. Oh, que c'est ça? De m'appeler Rosalie Poulain Trépanier. C'était Garoche ta sacoche avec la pièce Pour Léa sur leur album du même nom, Garoche ta sacoche. Ça veut pas dire que ça passe le test pour nous, là, mais c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Vous allez la réentendre cet après-midi au palmarès C'est fou entre 15h et 18h. Sachez-le. Moi, je l'écouterai. Tu l'écouterais, pareil? Ah, ça me relaxe. Ouais, vraiment. Je suis calme. Ça te part bien une chronique où t'es supposé être stressé parce que c'est ta première, t'sais, mais là, finalement, t'es vraiment relax. T'as garoché ta sacoche dans le coin du placard. Exactement, c'est ça. Donc, celui que vous entendez là, qui s'annonce comme un nouveau chroniqueur, un nouveau membre de l'équipage d'Assemblage Requis, c'est Frédéric Bernard. Voici Crackpot TV. Salut Frédéric Bernard! Ben salut Mathieu! Ça va? Allô! On commence à s'apprivoiser, Frédéric et nous, là. On se connaît à peine, mais déjà, on l'aime bien, t'sais. Ah oui! On l'aime bien. Déjà une petite discussion de Kaamelott, moi, je suis toute... Ouh! Ben parler de télé, c'est un sujet qui nous passionne, pour tout le monde, Steph, moi et Frédéric. En studio. Ben oui, bien sûr. Donc Frédéric, Crackpot TV... Qu'est-ce que c'est comme chronique? Qu'est-ce que tu vas nous présenter tout au long de la session d'hiver 2015? Crackpot TV. Alors, dans le fond, je vais vous présenter différentes séries, alors que la plupart du temps, je vais vous présenter une série, celle qui va être au cœur de ma chronique, okay, qui n'est pas terminée. Alors, des séries qui sont à découvrir, qu'on peut prendre en chemin là en ce moment. Qu'on prend au début puis qu'on se claque, là, ça. Oui, c'est ça. Qu'on soit rendu à jour, puis après ça. En même temps, le genre de série, c'est pas trop, tu sais, il n'y a pas 10 saisons encore. Pas un gros engagement, genre Lost, mettons. Ouais, je parlerai pas de Buffy. Ok, pas de Buffy. Angel, par exemple. Oui, c'est vrai, Angel. J'ai jamais écouté ça. Je pense que je vais l'écouter. Bichette et Angel, qu'on a dit. Exactement. Donc, vraiment, c'est des séries là, que sont pas terminées. Alors, pour qu'on puisse les découvrir, des séries qu'on découvre pas assez. Qui sont pas assez connus encore selon moi, ou que en discutant avec des gens, je fréquente des gens qui aiment beaucoup les séries télé aussi, que je me rends compte que c'est des séries qui sont pas nécessairement connues, et ça va être de tout genre là. Il va y avoir du britannique, du américain, du québécois, du français si j'en trouve, mais il va c'est si j'en trouve ça. Ça arrive. Oui, il y a Kaamelott qu'on parlait là, j'en ai pas d'autres. C'est la première, en vrai, que t'as vu, que t'avais envie de voir, que t'as regardé dans ta carrière télévisuelle. Téléphonique. Non, moi, ça remonte à loin. Ça fait longtemps que j'écoute des séries de télé. Puis c'est ça, j'en écoute beaucoup, beaucoup des séries. Je peux même pas vous expliquer comment je fais pour écouter autant de séries dans ma vie. Où trouves-tu le temps physiquement? Je pense que t'as dû, j'imagine, te trouver une faille dans l'espace-temps pour pouvoir Moi, je pense au moment de mes études. Quand j'étais dans mes études, très intensive. Alors, j'ai étudié les sciences avant. J'écoutais des séries en même temps, alors que mes études. Alors, grosse période d'examen, c'était là que je me clenchais le plus de séries télé. OK. Fait que j'étais un bon étudiant. j'associais, c'était drôle, parce que j'avais aux examens, petite anecdote personnelle, j'avais aux examens, puis les réponses, je les associais à des bouts de séries télé. Ben oui. Fait que c'était le fun. J'avais des gags, je riais tout seul pendant les examens. C'était le fun. C'est ça. Alors, ça va être le cœur de ma chronique. Ensuite, je vais vous faire jouer un jeu. Fait que je sais pas si vous aimez les jeux. Ben oui! Je vais vous faire jouer un jeu. Je trouve que ça manque de jeux sur C'est fou. C'est vrai? Je vais vous faire jouer un jeu par rapport aux séries télé. Puis je vais souvent finir avec une petite touche personnelle. Alors, une petite touche improvisée, une série télé qui est terminée ou une vieille série télé qui est un coup de cœur personnel. Ou même que des fois, je vais aller plus haut pour des navets. Alors, je vais même écouter des séries télé que je considère comme étant des navets. Alors, j'en ai quelques-unes déjà en note. Alors, ça s'en vient. Wow. Aujourd'hui, ça sera pas un navet, par contre. Ça sera loin. Commence en force, s'il te plaît. Non, c'est ça. Ouais. Je donnais le goût, je vais pas vous envoyer écouter des... Je dirais pas le nom, ça va venir. Pas de spoiler ici. Justement, est-ce qu'on va essayer de s'en tenir à ne pas faire de spoiler, ou est-ce que ça te dérange pas de faire des spoilers une fois de temps en temps si c'est important pour Non, je vais m'en tenir à pas en faire, en fait. Je vais vraiment essayer de vous faire découvrir la série pour que vous découvriez. C'est bien dit, hein, oui. Que vous allez découvrir. Faut faire découvrir pour qu'on découvre nous-mêmes. Faut qu'on découvre. Nul, c'est découvert, c'est nous autres. Oui. Puis si on connaît déjà cette série-là, je vais apporter souvent des faits en lien autour de la série. Alors, des faits plus au niveau des acteurs, sur des plateaux, sur le tournage. Alors, des façons de redécouvrir la série. Entre autres, la série que j'ai choisie aujourd'hui, il y a une belle façon de la redécouvrir si on la connaît déjà, que j'ai trouvée sur le site internet du diffuseur. C'est vraiment super. On l'écoute à l'envers. On commence par le dernier épisode, puis on retourne jusqu'au début. Finalement, il y a une nouvelle histoire qui s'est créée. Mon Dieu. C'est tout ça le secret. Non. Fais pas ça avec cette série-là. Pas ça. Donc, on commence avec quoi? Alors, aujourd'hui, la série que je vous parlerai, c'est True Detective. Ouh! Je sais pas si vous connaissez. Oui, de nom seulement. De nom. Ouais, et c'est ça. D'acteurs aussi. Hein. Il y a des très bons acteurs dedans, des acteurs qui ont accepté de jouer dans cette série-là avant d'être, si on peut dire, connus beaucoup du grand public. Je sais pas si je dis un peu une niaiserie-là, parce que surtout ces films, à Hollywood, ils étaient très connus. Alors, depuis 2000, depuis le début des années 2000, c'était une vedette montante, surtout à cause de son physique. Je parle ici de Matthew McConaughey, alors, qui était surtout connu pour son physique, alors qu'il pouvait autant jouer des personnages un peu fous, autant des personnages, autant jouer dans des comédies romantiques, jouer dans des comédies, jouer dans des films de science-fiction. Souvent torse nu. Souvent torse nu, oui. Je comprends pas pourquoi. Par contre, je l'ai vu, mais je comprends pas pourquoi. Pour vous resituer, c'est l'acteur qui joue le rôle principal dans Dallas Buyers Club. Oui. Alors, sinon, il joue aussi dans Interstellar. C'est lui qui fait aussi le personnage principal là. Fait que c'est quand même une grosse pointure. Et un autre des acteurs vedettes à l'intérieur, c'est Woody Harrelson. Lui, c'est le blond dans Hunger Games qui est souvent un problème d'alcool. Mais il y a un problème d'alcool dans tous ses films. Il jouait dans Zombieland aussi, je crois, c'est ça, c'est dans Zombieland? Oui, il jouait le chasseur dans Zombieland. Mm-hmm. Alors, puis là, il y a Zombieland 2 qui va sortir. Oui. En 2015 ou 2016, alors bientôt. T'as vu qu'il était supposé avoir une série sur Zombieland, puis ça n'a pas marché finalement? Non, ça? J'ai même pas lu sur ça. Amazon, qui est supposé faire une série sur Zombieland. Ah, oh, oui. M'aller lire ça. Parce que Woody Harrelson, je sais pas s'il aurait réussi à le récupérer, par contre, pour la série. Mais là, dans True Detective, il est là, il a un rôle principal. Puis c'est deux très bons acteurs, deux bonnes pointures là, pour une série comme ça. C'est une série, j'imagine, à budget, parce que c'est quoi, c'est sur HBO, ça? C'est quoi? C'est HBO qui a produit cette série-là. Oui, série à budget. Qui dit HBO, dit. Je sais pas si vous connaissez HBO, tu sais, des petites séries, Six Pieds Sous Terre, Boardwalk Empire. Sopranos. Ouais, Game of Thrones, c'est des petites cochonneries. des affaires jetables dans le bac à 2$. Puis je ne sais pas c'est quoi que j'ai allé sur le site, justement, comme je vous disais, de HBO pour lire un peu sur la série. Puis il aime ça, le True. Comme trois séries qui s'appellent True, True Detective, True Blood. L'autre, je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'il y en a un troisième. Fait que il aime ça, le True. Ah ouais? Non, c'était une anecdote. Regarde, c'est des faits pertinents comme ça que je vais apporter. Je me demande si la série québécoise, Toute la vérité, ça vient de là. Troute la vérité. Troute la vérité. Troute la vérité. Okay. La troute la vérité, c'est ça? Troute la vérité. Ouais. Alors, True Detective, alors pour vous expliquer c'est quoi, alors arrêtez de vous faire languir. Alors, c'est été produit en 2014, très récent, il y a une saison en ce moment. C'est une idée originale de Nick Pizzolatto, alors italien, j'imagine. Oui. Alors, c'est un scénariste, surtout de livres. Il faisait beaucoup de livres au début, c'était beaucoup des livres qu'il écrivait, des romans policiers. Il a fait une autre série que j'ai commencé, j'ai écouté le premier épisode, j'ai aimé ça. Je vais peut-être en parler si je continue à aimer ça. Ou au contraire, si j'aime pas ça, je vais peut-être en parler aussi. Dans les navets. Ça. Ça s'appelle The Killing. Alors, c'est dans le même style aussi, un peu une série policière. Là. Fait que True Detective, The Killing, il fait beaucoup dans des séries policières noires. Le réalisateur, c'est Cary Fukunaga. J'ai essayé de trouver quelque chose qu'il a fait. Peut-être qu'on connaît On the Ice, des gens là, peut-être un peu plus spécialisés. C'est sur glace, hein, non, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas ça, en fait. Qui a été fait en 2011. Moi, je connaissais pas ça. Je connais aucune de ses œuvres au réalisateur. Alors, pour moi, c'était un inconnu quand j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il a fait. Alors, c'est lui qui a fait la série au complet. Il a très bien tourné la série. Il a vraiment eu une grosse liberté, puis un gros choix esthétique. Ça vient de lui, ça vient du réalisateur. Pour la petite histoire, au début, Nick Pizzolatto, voulait faire justement un livre. Il s'est rendu compte que ça allait peut-être plus pour une série télé, puis il l'a proposé au réalisateur, M. Fukunaga, qui a dit que oui, qui a dit si tu me laisses libre finalement pour l'esthétique, tout ça, j'accepte de l'affaire finalement. En fait, c'est plus un contrat qu'on lui a proposé, puis qu'il a accepté, puis il a vraiment, vraiment bien réussi son contrat selon moi. Là, je dévoile un peu ce que j'en ai ton pensé. Verdict, ouais, c'est exact. Ça, je pense que vous allez comprendre que j'ai aimé ça. Alors, si vous me permettez, je vais lire le résumé. J'ai écrit un résumé personnel, vraiment libre. Ça sera pas long. C'est le seul moment vraiment que je lis. J'ai essayé de rendre ça un peu un peu funny, un peu le fun à écouter, finalement. Là. Et qu'on réagit, puis on t'applaudit, puis on rit s'il y a des passes à rire. Oui, c'est ça. Mais il devrait pas avoir de gags. Sinon, si vous riez, c'est une erreur. C'est ça, c'est sur le français. Oui, c'est ça. Donc, c'est en 1995 qu'on se retrouve avec les deux détectives, Russ Cole et Martin Hart. Alors, Cole qui est joué par Mick Conaghy, justement, et Harrison qui joue le détective Hart. Alors, ils forment une toute nouvelle équipe, le détective Cole, mystérieux est fort d'une réputation de génie au sein de la police et déjà connu sur le surnom de Percepteur, que j'expliquerai un peu pourquoi un peu plus tard pourquoi. Alors qu'il vient tout juste d'arriver en ville, il est jumelé avec le détective Hart, un dur à cuire au sein de la brigade de la ville, qui trompe sa femme et éprouve des problèmes d'impulsivité. Chaque personne. Leur première affaire les pousse sur les traces d'un tueur qui multiplie les indices au travers d'anciennes histoires non résolues et à la découverte de rituels religieux sombres et sordides. Leur collaboration froide leur collaboration froide et leur tempérament à l'antipode poussent nos deux protagonistes à devoir compter l'un sur l'autre, autant dans la vie de tous les jours que sur les lieux de leur investigation. Le détective Hart devra faire confiance à l'absurde vision du détective Cole, à moins que cela ne les pousse tout droit dans la gueule du loup. C'est sur deux détectives rongés par les événements et amaigris par l'écart des années qui ont séparé leur découverte de la scène du crime en 1995 et leur interrogatoire aujourd'hui en 2012. Alors, le premier épisode s'ouvre sur cette scène-là de nos deux détectives en plein interrogatoire. La série pousse le téléspectateur à remettre en question la parole même des deux personnages qui sont censés être leur centre de référence, alors que les années s'étirent sans découvrir le moindre responsable, ce qui aboutira à une chasse à l'homme des deux policiers tyrannisés par l'obsession et la recherche de réponses. Chaque épisode fait un lien entre l'interrogatoire qui fait guise de narration de chacun des détectives aujourd'hui en 2012, et les scènes visuelles des héros plus jeunes de 9 ans en recherche de réponses. Dans un univers policier digne des romans noirs, qui saura détecter le vrai du faux? Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si ça vous aguiche déjà. Oui, vraiment, vraiment, oui. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une série vraiment noire. J'ai pas ri du tout au travers de cette série-là. Et dans les faits, la narration est en particulier très originale. Alors, comme je l'ai expliqué, nous, ce qu'on voit, les détectives, on les voit développer l'histoire en 95. Alors, ils découvrent justement cette scène de crime-là. On est vraiment... quand je vous parlais du style du réalisateur, il a mis vraiment un filtre jaunâtre par-dessus. C'est un drôle de choix, ça, quand même. Ça fait différent, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça parce qu'on ça reprend... On a vraiment l'impression de retourner dans le temps. Mm-hmm. On comprend vite, même si les personnages sont très changés. Pour vous donner un exemple, le détective Hart est assez... Un peu plus enrobé, si on veut, les cheveux rasés. Le détective Cole, lui, au contraire, très amaigri. On sent qu'il y a eu un gros problème de drogue, justement. Les cheveux blancs, ça, c'est tout dévoilé au début. Pas de spoil. les cheveux blancs, alors... amaigri, puis elle semble avoir un problème de boisson, un gros laisser-aller. Les deux sont dans deux pièces différentes et sont interrogés à l'écart l'un de l'autre et racontent chacun de leur côté leur vision des choses. Et en 95, au contraire, le détective Hart, qui est un peu plus enrobé, est blond avec les cheveux un peu plus longs, pas rasés, beaucoup plus mince, beaucoup plus costaud. On sent qu'il est beaucoup plus entraîné. Beaucoup de travail au niveau des personnages à ce niveau-là. Je pense que c'est une des forces de cette série-là, les personnages, comment ils sont construits. Et le détective Cole, au contraire, est déjà très maigre, très stoïque. C'est un personnage qui est très dans son monde à lui, qui a beaucoup sa vision à lui, puis il va faire peur à beaucoup de détectives justement à cause de ça. Sauf le détective Hart, qui va trouver que c'est un personnage plus mystérieux et plus curieux, finalement. Beaucoup plus propre de sa personne en 95 aussi, les cheveux noirs. Alors, on sent que c'est deux personnes totalement différentes. Alors, autant la série va nous pousser à nous poser des questions sur le crime en tant que tel, mais autant la série va nous poser la question, moi en fait, c'est ce que ça fait, c'est je me demandais comment on a pu se rendre d'un personnage qui est si propre, qui a cette image-là finalement, qui se retrouve aujourd'hui avec une image beaucoup plus, si on veut, pas décevante, mais un peu plus délabrée. Un peu plus laisser aller, justement. Alors, c'est un peu les deux sur les deux mystères que la série va se promener. Ils vont beaucoup jouer avec ça. Alors, en se promenant autant dans leur vie personnelle que sur les lieux du crime et en mélangeant les deux. Et alors, vraiment pour nous faire découvrir les personnages et nous faire découvrir leur histoire, finalement, comment ce crime-là les a fait évoluer. Les deux détectives se connaissent pas au début. Alors en 95, quand ils se découvrent, on a l'impression que c'est la seule affaire sur laquelle ils ont travaillé. Quoi qu'en le disant, j'y pense, ils ont travaillé sur d'autres affaires ensuite. On s'est révélé plus tard, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben en fait, c'est supposé justement. Là, c'est pas vraiment au cœur du récit. On va pas vraiment parler des autres affaires. C'est juste révélé au fur et à mesure pour expliquer que ces deux détectives finalement qui sont efficaces en leur sens. Puis expliquer un peu leur méthode aussi à ces deux détectives là, qui est assez spéciale. J'en dévoile pas plus. C'est une méthode assez spéciale. J'ai le goût d'en dévoiler oui, plus, non, mais je peux pas. J'essaie de m'en retenir. Je veux que tu me le dises, mais je veux pas non plus. Ça qui est difficile dans les séries télé, quand tu parles de ça avec quelqu'un, c'est où arrêter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Oui. Une chose que je peux dire, c'est que le détective Cole, justement, je vous l'ai dit, est connu comme un génie au sein des policiers. Pourquoi? C'est tout simplement que on dit que c'est celui qui est capable d'enlever justement les réponses, d'aller chercher les bonnes réponses lors d'un interrogatoire avec des criminels. On en parle beaucoup durant la série, durant le début de la série, que ce gars-là est vraiment génial. Les gens cherchent à savoir sa technique. Plus la série avance, plus les gens sont obsédés par ça, les personnages qui sont autour, finalement les personnages secondaires. Même des personnages qu'on n'entend jamais parler, qui sont des détectives qui apparaissent au fur de la série, vont lui poser la question, vont lui demander comment il fait pour avoir des réponses comme ça aussi claires. Et là-dessus, on est un peu mis dans le secret professionnel, si on veut. Le téléspectateur, on sait comment il fait. On le voit, on assiste, et je vous dirais que c'est des scènes, on le voit plusieurs fois, des interrogatoires avec Cole, et c'est des scènes qui sont toujours... moi, ça me fait un frisson. À chaque fois que j'ai vu ces scènes-là, c'est des scènes qui sont... C'est simplement un interrogatoire, rien de plus d'un détective et du criminel. Et à chaque fois que l'interrogatoire finit, il y a toujours une... Moi, j'ai vu une sorte de malaise, justement, avec cet interrogatoire-là. Un bon malaise, quelque chose qu'on voit pas souvent, qui est très tabou, finalement, à dire. Imaginez pas aux choses... Vous pouvez imaginer quelque chose de cliché, ben c'est pas ça. Ok. Je pense que ça pique notre curiosité. Vraiment? Là. Oui. Oh. Mais c'est vraiment spécial comment c'est fait. Puis il y a un gros travail qui peut être fait autour de ça. Puis un gros questionnement. Moi, je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup après avoir vu des films ou des séries. Là, juste ça, en fait, c'est vraiment le principal de la série sur quoi je me suis questionné. Ces interrogatoires, à savoir, le côté éthique de tout ça, là, au final. Là. Surtout le personnage. Je pense qu'ils ont un peu délaissé Hart et que le scénariste a un peu s'est fait plaisir en travaillant sur Cole. Hart n'est pas mystérieux vraiment, c'est un détective là, qui va plus, même lui, c'est supposé être les deux personnages principaux, mais même Hart va envoyer vraiment le projecteur sur Cole. Okay. Hart est intrigué par Cole, il suit l'affaire, mais au travers du crime qu'il essaye de résoudre, il va plus essayer de tenter de comprendre, de déceler qui est ce détective-là, Cole. Il va souvent l'inviter, il parle au début qu'il l'invite à souper chez lui pour faire comme les autres, finalement. Les autres détectives, c'est un détective qui est très classique, finalement. Il veut faire comme les autres, il invite Cole à manger chez lui. Quand le détective arrive chez lui, il essaye justement de découvrir c'est qui. Il est vraiment plus intrigué par lui, il est vraiment plus spectateur finalement que personnage principal. On le sent beaucoup ça. Et c'est bien sûr au profit de Cole qui augmente cette image-là de personnage mystérieux, de détective un peu étrange, sorti de l'ordinaire, avec un passé qui semble lourd et avec une vision, comme je dis, très absurde des crimes, une vision très absurde de son environnement. Et c'est pas pour rien qu'on va l'appeler justement le percepteur. Pourquoi le percepteur? En anglais, c'est le taxman. C'est parce qu'il y a un livre. Les policiers ont toujours comme un cahier de notes pour prendre des notes sur les scènes de crime. Lui, c'est un livre, un gros livre qu'il a, dans lequel il dessine les scènes de crime parce qu'il trouve que ça retranscrit beaucoup plus les détails, finalement, des scènes. Il est capable de beaucoup plus se retrouver. Alors déjà, c'est un peu étrange. C'est la première chose qui va piquer la curiosité de Hart. Justement, c'est de voir ce livre-là dans lequel il va dessiner les scènes de crime qui va s'offrir devant lui pour pouvoir s'y référer plus tard. Donc, comme un percepteur, finalement, va venir prendre beaucoup de notes, lui, on va l'appeler de cette façon-là pour référer à cette prise de notes-là excessive, finalement, parce que le livre est quand même assez gros. On le voit faire, puis il y a beaucoup de détails, effectivement. Pour Hearties... Alors, pour décrire les personnages, c'est vraiment ça. Les deux personnages vont vraiment vivre ensemble. Alors, en parallèle, finalement, partager leur vie il y a beaucoup d'hésitation à partager leur vie familiale. Hart veut beaucoup partager sa vie de tous les jours avec Cole, alors que Cole ne veut rien savoir et est complètement obsédé par les crimes sur lesquels il travaille. C'est cette relation-là qui va évoluer aussi, qu'on va nous montrer au travers de la série. C'est en même une bonne histoire, une bonne façon de montrer les deux personnages. Vraiment, le projecteur est tourné vers ces deux personnages-là et on se concentre sur ces deux-là uniquement. C'est déjà une grosse histoire juste d'essayer d'élaborer ces personnages-là. Mettre d'autres personnages dedans, ça aurait pu être compliqué tellement c'est travaillé. Mmh. La scène du crime en tant que telle, c'est quoi ce fameux crime-là? Alors, pour aguicher, on y va toujours en décrivant justement c'est quoi qui va faire le cœur de la série. Alors, la scène du crime qu'ils vont découvrir, on le voit au tout début, dans les 10 premières minutes du film, si je me trompe pas, ou les 20 premières. Bref, écoutez les 20 premières minutes du film, de la série. Du pilote, mettons, du premier épisode. De l'épisode, c'est ça. Ça dure une heure, fait 20 minutes, c'est sûr que la première scène du crime. Vous la décrire, on se retrouve, on est dans le sud des États-Unis, alors vraiment des champs de blé très secs dans lesquels on voit c'est assez désertique où ils sont, ils semblent être au cœur, vraiment au fond des États-Unis, là, dans des endroits où il y a beaucoup de marécages, ces choses-là. On peut imaginer vraiment un endroit avec beaucoup de redneck, pour si vous me permettez le terme, là. Beaucoup de redneck là, qui va se retrouver dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. Eux, quand ils vont arriver là, c'est vraiment dans des champs. Il y a un arbre mort, finalement, un arbre mort. Il n'y a plus de feuilles, tout simplement, cet arbre-là, encore planté au sol avec des draps blancs qui pend un peu partout sur cet arbre-là, un peu comme des fantômes qui entraient cet arbre-là, et l'arbre est très noir. Le filtre jaune qui est mis sur la lentille fait ressortir cet arbre-là très noir, et je vous dirais que ça a quand même une importance. Simplement, regarder l'arbre, la couleur de l'arbre, ça a quand même une certaine importance pour la suite. Je l'ai remarqué sur le tard en refaisant la recherche justement sur la série. Remarquer la couleur de l'arbre, remarquer vraiment la scène de crime, ça vaut la peine de mettre sur pause pour simplement analyser cette scène de crime-là, où on voit vraiment que finalement le mort, il est vu dans tout ça. Au pied de l'arbre, avec ces draps blancs-là, on a une roche sur laquelle une fille est en prière, est en position de prière, et sur la tête, elle a des bois de serre qui ont été incrustés dans son crâne. Ah. Et elle est morte. Bien sûr, plus en... avec ça dans le crâne, ouais. Oui, c'est ça. Alors, mains liées, pieds liés, elle est flambette, comme vous pourrez dire. Alors, dans les champs, avec des signes aussi un peu étranges sur le sol. Et la première chose que Cole va faire, c'est se pencher à côté et se mettre à dessiner cette scène de crime-là sur laquelle on va se référer. Et ils vont trouver une sorte de petit totem en bois à côté de la fille. Alors, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Ça semble clairement un rituel. Ils vont chercher autour des rituels, tout ça, religieux. Ils vont vite tomber sur des rituels religieux pour essayer de dévoiler ce mystère-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Et c'est là qu'ils vont se lancer finalement dans cette aventure-là qui semble les dépasser. Bien sûr, on en parle encore 9 ans plus tard, donc c'est toute une histoire, c'est un crime. Souvent, c'est un crime qui s'est éternisé, si on peut dire ça comme ça, sur lequel les deux détectives vont travailler, qui ne semblent pas comprendre, quand on les voit au début, ils ne semblent pas comprendre l'ampleur de la tâche dans laquelle ils viennent de s'embarquer. Je suis un grand fan de séries policiers, je suis un grand fan de livres policiers, de films policiers, et je dirais que c'est un crime, c'est quand même impressionnant. Le format série a vraiment permis de rendre honneur finalement à la longueur et la complexité de cette affaire-là. Série très lente. Alors, cependant, pour... C'est combien d'épisodes la première saison, mettons? C'est 8 épisodes. OK. Fait que c'est une mini-série. Ça a été classé dans les mini-séries. C'est 8 épisodes d'une heure environ. C'est très lent. Très mystérieux. On veut vraiment faire planer le mystère sur tout. Alors, sur l'aspect des personnages, sur Cole, sur le crime en tant que tel. On fait planer le mystère vraiment surtout sur l'évolution des personnages, comme je vous disais. Donc, on prend le temps de bien tout expliquer, de bien mettre en place. Ça rend justement une certaine lourdeur à la série, surtout qu'on est dans le sud des États-Unis encore, donc une certaine lourdeur au propos aussi. J'ai pas écouté 2 épisodes de suite. Je suis quelqu'un qui les écoute en boucle. Ouais. Là, j'ai rarement écouté... Je me souviens pas d'avoir écouté, ouais, c'est ça. Okay. J'ai peut-être écouté 2 à la file, mais 3, je trouvais ça low. Je me lançais sur quelque chose d'humoristique. Une comédie, ouais. Ouais, c'est ça, quelque chose de me remettre dedans. quelque chose de mauvais, genre Caméra Café. Je vais en parler de Caméra Café. Bon, on dit que c'est mauvais. Excuse-moi. J'ai écouté la version québécoise et la version française, toutes les deux mauvais. Ouais. Caméra Café, c'était bon avant, au début. Au début, début. Okay. Avant qu'il change de personnage. Selon moi. Ah, ben, ah. Je me suis pas rendu jusqu'au début. Ouais, je vais en parler sans doute. J'ai un petit spoil, justement. Je vais peut-être en reparler un moment. J'aimerais ça. C'est Donc, vraiment, on va planer, justement, dans cette lourdeur-là, dans cette lenteur-là, dans le milieu des religions. Racisme, peut-être, des trucs comme ça? Pas vraiment. Oui, oui, je vous dirais oui, parce que c'est vraiment tout qui est englobé. Alors, on va autant aller dans la religion plus classique, autant on va s'en aller vraiment plus quelque chose qui est une secte, finalement, dans des sectes, finalement, on va vraiment explorer tout. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnages de tout genre qu'on va voir, qui vont témoigner, finalement. Alors, autant des gens qui sont racistes, des gens un peu... C'est dur d'expliquer, finalement. Sans spoiler tout. Ouais, c'est ça, parce que... Ouais, j'en dirais pas plus, parce que c'est ça, c'est dur, c'est des gens qui sont vraiment, on sent que on a affaire à toutes les classes là, de la société dans cette série-là. Et je m'en allais où avec ça? Dur à dire, je t'ai sûrement coupé quelque chose là-dedans en disant ça. Ouais, c'est ça, c'est tout ça pour dire que c'est une lenteur qu'on installe dans la série. Il y a une lourdeur. Le simple fait de parler des religions, c'est quelque chose qui peut être assez lourd, assez tabou, justement. Et il s'en donne en cœur joie. Dans les faits, un peu plus à l'extérieur de la série, essayez de vous convaincre que je vous offre quelque chose de bon. Là. C'est nominé pour les Golden Globes en 2015. Alors, on a la meilleure actrice qui se retrouve dans les nominés, Michelle Monaghan, qui fait la femme de Hart, justement, qui se fait tromper et qui est la femme modèle, si on veut, dans cette série-là. Oui, elle a une très bonne performance dedans. C'est pas un personnage qui est très développé. C'est pas un. Je pense que c'est tout le mérite est à l'acteur quand on écoute. À l'actrice, excusez-moi, pour quand on écoute cette série-là. Vraiment, elle a une bonne performance et on parle très peu de son personnage. Meilleur acteur aussi, bien sûr, McConaughey qui est aussi nominé au Golden Globe. Ça m'a même pas étonné. Et la mini-série en tant que telle, la mini-série dans son ensemble, est nominée aussi Golden Globe. Et pour le Screen Actor Guild Award. Oh, cool. Alors, j'aurais dû m'informer plus là-dessus avant d'en parler. Non, je pense que c'est donc nominé par leur père, finalement. Je pense que c'est ça. J'ai vu que c'est beaucoup de prix, en fait, qui a été remis. Des prix plus aux États-Unis, là, justement, qu'on entend un petit peu moins parler ici. Souvent, mini-série, alors, série policière et mini-série, c'est souvent pour ça qu'il est récompensé. Ouais. Sur le site internet de HBO, je vous invite, si vous découvrez la série, à aller sur le site internet et à découvrir en parallèle l'onglet de la série qui est marqué « Enter the Darkness ». OK. Cliquez là-dessus. J'ai découvert ça, j'ai redécouvert la série en me baladant sur cette page-là du site. On propose en fait une sorte d'arbre... C'est un peu présenté comme un arbre... C'est ça, un arbre des événements, okay. Avec les indices, les principaux indices, les principaux témoins. Pour suivre comme faut. Mais allez pas sur le site avant de commencer la série, j'imagine, sinon... Non, c'est ça, je pense que c'est bon d'utiliser ce site-là, comme on en écoute... Bon, je vous l'ai dit, c'est dur d'en écouter plusieurs épisodes de suite. On écoute un épisode, ce qui fait que ça peut être dur des fois à suivre, finalement, au niveau de l'enquête. On écoute le premier épisode. Quand on arrive au deuxième épisode, on peut aller faire un tour pour essayer de se rappeler qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a vu déjà dans l'épisode précédent. Okay. Toujours se référer, puis faire un tour. C'est fait pour que ce soit parcouru très rapidement. Alors, sur ce site-là, il offre un onglet où on voit le livre de Cole, justement, alors avec ses dessins qu'il y a dedans. Fait qu'on peut vraiment voir les dessins. Et entre autres, les dessins de la scène de crime valent la peine d'être vu, justement, en même temps que la série de télé, pour vraiment voir toute l'ampleur des détails qui a été fait dedans. Voir vraiment la petite statuette. Une petite statuette que la série met une grande emphase dessus. J'ai pas l'impression qu'on la voit assez. Okay. On voit pas vraiment qu'est-ce que ça représente. C'est toujours les personnages qui vont en parler. Ils vont même pas la décrire comme si la série nous supposait finalement qu'on le voyait à l'écran. Ouais. Mais je pense que la statuette est tellement petite qu'à la caméra, c'était dur d'aller focusser dessus. Et je pense que peut-être une erreur là, on n'a jamais vraiment focusé sur cette statuette-là. On va voir des images un peu partout. Sur le site internet, vraiment, on a une belle image là, de cette fameuse statuette-là pour pouvoir suivre l'enquête. Donc, je pense que c'est cette façon-là qu'on peut utiliser cet onglet-là qui est vraiment intéressant. On va vraiment avoir un résumé des épisodes et les différents indices, vraiment des courts extraits qu'on va nous donner. C'est des 10 secondes, même pas des fois, là, d'extraits pour vraiment aller au cœur du sujet de l'indice. Saison 2 qui est prévue. Ouais, justement, je savais pas quand amener le sujet, je me demandais si t'allais y venir, je voulais pas te couper l'herbe sous le pied, mais qu'est-ce que t'en penses du concept de la saison 2, parce que étant donné que c'est une mini-série, on a déjà quelques informations par rapport à ça. J'ai quelques informations qui ont été confirmées, en ouais. Fait que pour aller dans les informations qui ont été confirmées, ça va se dérouler en Californie. Alors, ça va être 3 détectives cette fois, alors qui vont aller... vraiment, on passe de complètement à l'opposé. 3 détectives qui vont aller, c'est sur les sites internet finalement que ça sur l'internet, c'est une conspiration sur internet cool. Qui va se produire. C'est ça que les 3 détectives vont essayer de déceler, de démanteler en fait, comme on dit. C'est un peu ce qui est confirmé pour l'instant. Qu'est-ce que j'en pense? J'attends de voir. Je suis vraiment, ouais. Je suis curieux. J'attends de voir parce que c'est vraiment un changement radical. Je trouve juste en lisant finalement ce que c'est un changement de vue en partant. Ouais. Les acteurs ne reviennent pas non plus. Non. Alors on. Tu as vu c'est qui les acteurs? C'est confirmé finalement? T'as vu? Ah non, je l'ai pas vu ça. Colin Farrell. Ok, quand même. Ça a été confirmé en septembre 2014. Plus tard en septembre, on a confirmé que Vince Vaughn c'est la deuxième vedette. Et on a plus tard casté en novembre 2014 Rachel McAdams pour la femme quand lead même. Des bons noms. Elle a fait quoi la... Rachel McAdams, je te dis ça dans 2 instants. C'est bon. Mais non, vraiment, c'est une série qui est capable, mais HBO maintenant n'a plus de. Sa réputation est déjà faite, est capable d'aller chercher des grands noms comme ça. Je sais que le réalisateur précédent ne revient pas sur la saison 2. Il a dit qu'il voulait que si McConaughey, puis ici, je perds son nom, je vais aller le rechercher. Woody Harrelson. Harrelson, ouais, c'est ça. Il partait, dans le fond, lui aussi, il partait. Et on a plusieurs noms pour comme réalisateur qui a parcouru. Ça va être toujours Pizzolatto qui va... Pizzolatto, j'ai de la misère avec son nom. Pizzolatto qui va écrire encore ça. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est son frère Burgerino. Puis, ouais, c'est ça. McCrocketston. Spaghettio. Mais souvent, dans les séries américaines, faudrait que j'essaye de j'ai cherché pourquoi. Je trouve quelques bribes de réponses, mais je suis pas encore assez sûr pour en parler. Souvent, dans les saisons 3, c'est là qu'on a un changement de scénariste. Okay. Parce qu'il va aller faire d'autres choses, il va aller sur d'autres séries. Oui, c'est ça. Ça semble avoir une raison autour de ça, mais comme j'ai dit, j'en parlerai pas plus parce que je suis pas certain. Ouais. Alors, je veux pas fausser mes informations, mais entre autres, la série Dexter, c'est ça que ça a fait. Je pense que c'est autour de la saison 4 ou 5. Okay. Il y a eu un changement de scénariste, c'est pour ça qu'on sent une cassure finalement dans l'histoire. Là, ici, c'est le réalisateur qui est changé. C'est Justin Lee qui est pressenti pour faire la réalisation. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand je vous dis que c'est 2 mondes complètement différents, Justin Lee, lui, a fait les Rapides et Dangereux 4, 5 oh et 6. Oh boy! Ok, ouais. Oh! Ouais. Ah. Je pense que ça va être quasiment 2 séries complètement différentes, ouais. Les 2 saisons. Là. C'est ça, surtout que c'est des histoires qui sont terminées. On est dans cette mode-là en ce moment aux États-Unis depuis que American Horror Story a parti. Je m'excuse pour mon anglais en passant. Oui, parfait. S'il y a du monde là dans le retour en ce moment là, qui griche des oreilles, je m'en excuse. Ils comprendront pas si tu prononces trop bien. Il faut que tu dises ouais, American Horror Story. Là, Je vais me coller le micro sur la bouche comme ça. Ils vont dire ils parlent vraiment anglais. C'est juste le son qui est pas bon. Donc, vraiment, c'est une mode qui a été partie de faire des séries dont l'histoire se termine à la fin. On en profite pour changer les acteurs, on en profite pour recréer une histoire. Et cette série-là, True Detective, n'en échappe pas. On repart une toute nouvelle histoire, justement. Ce que j'aime d'American Horror Story, c'est qu'ils reprennent quelques acteurs, mais ils leur donnent d'autres rôles. Oui, ils disent autrement. Ils pourraient faire la même chose avec True Detective. Peut-être un caméo d'un des 2 acteurs principaux dans un autre rôle. C'est ça que j'ai pensé aussi. Moi aussi, je trouverais ça vraiment intéressant qu'on fasse une allusion, justement, à l'autre série, à la saison précédente. Je sais pas comment ils vont faire. J'espère qu'ils vont faire une allusion à la saison précédente. Ouh, j'espère qu'ils vont poursuivre un travail quand même, si ce n'est simplement le style narratif. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne va pas faire non plus comme dans les CSI ou autres, où il va y avoir un des personnages de la série de base qui va faire genre, ah, finalement, on voyage dans la ville de l'autre série, tu sais, puis ils font une enquête ensemble. T'sais. Je trouve ça cliché, ce genre de choses. Oui, c'est ben moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si ce ne serait que juste les fois. Bon, moi j'aime ça, mais des fois quand juste l'acteur passe, ça a pas de lien avec l'histoire, il fait juste passer ou il fait juste demander quelque chose. Je sais que j'ai déjà vu ça avant. Bon, si j'y vais vraiment personnel, puis mon petit fantasme personnel, ouais, pour cette saison 2-là, si on pouvait avoir un des deux détectives qui arrive en Californie, qui vient chercher un indice supplémentaire, parce que c'est possible de le faire avec l'histoire qui a été développée, s'il vient chercher un indice supplémentaire, une information supplémentaire que le spectateur n'avait pas dans la saison, ouais, 1, je trouverais ça intéressant, cool, comme façon de travailler, un finalement, petit clin d'œil, façon de montrer. Ouais. Mais sur mon idée personnelle, si Justin Lee m'entend, là... Je suis sûr qu'il m'écoute en ce moment. On sait qu'il est tellement habitué à des idées originales parce que, tu sais, Rapide et dangereux 1 est tellement différent de Rapide et dangereux 2 et Rapide et dangereux 3. J'ai jamais écouté les Rapides et dangereux. Pareil. Mais ça vaut pas la peine. Non, non. Non. C'est pas fait pour être regardé, c'est fait pour être vécu. Non, je sais pas. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Écoutez-moi pas là-dessus. Surtout, d'avoir parti sur des Rapides et dangereux, puis il y en a réalisé plus d'un, puis de réaliser cette série-là qui est très unique, très HBO comme style, finalement. Je suis vraiment curieux. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour l'esthétique, ouais, tout ça. Mais ça va être le moment de prouver sa polyvalence, je pense. Exactement. Oui, il fait pas juste une affaire. Surtout que il a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vraiment ces deux-là que j'ai ressorti qui étaient les plus frappants dans les choses que je connaissais personnellement. Je m'excuse, je vais dans les choses que je connais beaucoup dans les films. Donc, dans les choses que je connaissais le plus, c'est vraiment ça qu'il a fait. Mais il a fait beaucoup de choses, mais ça semble être tous des films d'action. Qui est encore à l'opposé avec l'autre série et avec l'autre réalisateur, que l'autre réalisateur, lui, faisait des séries beaucoup plus lentes, finalement. Réfléchies. C'est ça, On the Ice, sur la glace, la traduction. Merci. Mais ouais, ça fait plaisir. Sur la glace, que a réalisé l'autre réalisateur, Fukunaga. Hey, j'ai des noms, moi, là. Tu vois, ma chère, c'est fou, là. C'est Fukunaga. On va l'appeler comme Fukunaga, quand il a fait ce film-là, finalement, c'est des trois adolescents inuits qui partent à la chasse et il y en a un des trois qui meurt. Et c'est très lent aussi comme style. Alors, c'est en concordance avec le style de la série, avec l'histoire. Là, on a un réalisateur qui, lui, fait des choses beaucoup plus... le mot me perd, beaucoup plus d'action. J'allais dire facile, moi, ça aurait été le mot que j'aurais dit, mais tu sais, quelque chose de dans ta face, mais de pas trop subtil. Je fais attention, j'ai pas écouté, je peux pas me prononcer là-dessus. Ça, moi, je suis le genre à juger sans vraiment savoir ce que je dis. C'est ça, arrête, Mathieu. Sors. Je prends souvent l'exemple de Michael Bay. Michael Bay, oui, qui a fait des Transformers. Reste une explosion de plus. C'est ça, il met des explosions, ouais, tout, puis on a souvent l'idée que c'est une réalisation facile, ouais, qu'il fait, et ça m'a jeté à terre quand j'ai vu son film No Pain, No Gain, okay, qui est son film, finalement, dans le fond, à Hollywood. Comment qu'on procède pour dire ça rapidement, c'est que les réalisateurs, c'est des contrats qu'ils ont quand ils rentrent à Hollywood, on leur donne des contrats. Transformers a été proposé à Michael Bay, entre autres, ouais, le troisième, si je me souviens bien, il ne voulait pas le réaliser, puis finalement, il l'a pris. Il fait ce qu'on lui demande, dans le fond, s'il veut des explosions, il va mettre des explosions. Exactement, c'est un gars qui était reconnu pour sa pyrotechnie, finalement, alors on l'a invité, justement, à faire des films d'action comme ça, et quand que le réalisateur met les gens en confiance, met les producteurs en confiance, on lui permet de lui donner presque carte blanche pour faire son film. Michael Bay a fait No Pain, No Gain. Celui qui a fait est Batman. Les plus récents. Ah, attends. Oui, les plus récents. Hey, mon Dieu, j'ai un gros blanc. Oh non. Là, je te trouve dans 3 secondes, pas vrai. J'ai un gros blanc. Celui qui a fait les Batman, là, ça va m'en revenir. Là, j'ai son nom en gros sur la pochette des Batman. Lui, mon son. Il me sort pas le bon Batman. Il me sort les. c'est pas le nom du plus récent Batman. Batman vs Superman Dawn of Justice en 2016, ok. Zack Snyder, réalisateur Zack Snyder, ça? Non, c'est pas lui, c'est vrai, Zack Snyder, c'est lui qui va le prendre finalement, Batman contre Superman. L'autre avant, il a fait Superman aussi, le dernier Superman. Ceux avec Christopher Nolan, voilà. Ah, Nolan. Ah, mon Dieu, hey, c'est-tu honteux d'avoir oublié son nom? Nolan. oui. Nolan, lui, après avoir fait les Batman, qui était un contrat, lui, on lui a permis de faire Exception, qui est son film finalement, qui est écrit qui est son histoire originale. Ça faisait longtemps qu'il voulait faire ce film-là. On lui a permis de faire ça. Donc, c'est vraiment là qu'on voit vraiment le talent, finalement, de chacun des réalisateurs. Michael Bay, vraiment, comme je vous dis, No Pain, No Gain, si vous n'avez pas écouté ça, écoutez ça. C'est fantastique comme film. J'ai adoré ça. Finalement, il était où avec tout ça? Justin Lee. On est encore dans le détective, c'est ça. Détective Justin Lee, chose facile. On parlait des choses faciles à faire. Fait que Justin Lee, je pars pas avec une idée défavorable contre lui. Je me dis sans doute les rapides et dangereux. C'est un contrat qui lui a été donné. Surtout, c'est les 4-5-6 qu'il a fait. Donc, peut-être qu'il va avoir plus une liberté dedans la réalisation. Alors, j'attends de voir. Avis personnel, j'en ai un peu parlé, ouais. Un petit peu, de façon subtile. Alors, dans les points positifs, deux personnages originaux, vraiment, que la série se focalise sur eux et qu'elle aille pas en longueur ou qu'elle aille pas nous introduire. On est habitué beaucoup avec des séries maintenant. Game of Thrones, pour en citer une très connue. Beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de caractères à développer. Mm-hmm. Là, ici, on prend le temps de prendre deux personnages et ces deux personnages-là, on va les développer, mais on va bien les développer, on va les développer à fond. Des fois, ce n'est qu'en surface. Là, on sent vraiment que les personnages ont vraiment un passé, que ce passé-là est important sur leur présent, qu'ils ont vraiment évolué. On sent vraiment qu'ils ont vécu avant que la série commence. Ouais. Et ça, je pense que c'est un point très positif, justement, de la série. Trop de séries prennent les personnages trop en superficie finalement et on dirait qu'ils sont en train de naître au même moment où on les regarde. T'as les personnages trop typés, là, genre bon, t'as la bitch, t'as les personnages genre vraiment... Mais là, vraiment, le détective Hart qui est un peu plus classique au début, je pense que c'est un gros succès aussi de l'écriture de ce personnage-là. Il semble très cliché justement au début. Elle boit, sa petite famille, semble être un bon père de famille, mais finalement trompe sa femme, un peu gros bras finalement. On pourrait dire que c'est un détective qui réfléchit pas beaucoup. Moi j'ai fait cette erreur-là de me dire c'est le détective gros bras qui a juste des bras puis qui a pas de tête. Mais non, en fin de compte c'est une erreur de dire ça. C'est ce qu'ils veulent que tu penses en fait sur mon début. C'est comme ça qu'on est habitué de penser. C'est ça, exact. Oui, puis tout le long vraiment on nous le présente comme ça, surtout à côté d'un personnage comme Cole qui est très qui est complètement contraire. C'est un détective qui est très dans sa tête, très dans son monde. Mais Hart va rarement faire évoluer les indices, finalement, vont rarement prendre les dessus sur le crime. C'est vraiment Cole qui va le porter au travers de ça. Mais il va vraiment avoir son importance et c'est vraiment pas un fou, c'est pas vraiment pas un nounou. C'est pas pour rien qu'on lui donne cette affaire-là aussi. Il connaît bien, justement, son métier. Alors, vraiment, on a l'impression d'un personnage classique, mais plus on le développe, plus on le découvre, plus on se rend compte que c'est un personnage qui a aussi un background très intéressant et très original. Mm-hmm. Lui, j'en dirais pas plus, vraiment, parce que c'est vraiment la série qui va le faire découvrir. La série porte pas justement sur lui, c'est vraiment des supposés, c'est vraiment sa femme qui va apporter des éléments, ou ses enfants même qui vont apporter des éléments sur son passé. Cole s'intéresse pas non plus à lui du tout, donc c'est tout le temps supposé un peu son passé, alors c'est assez intéressant comment c'est fait, comment c'est monté. Je pourrais dire une dose de mystère, mais je pousserais pas non plus le bouchon trop loin. Là, il est pas. Disons que ça m'a moins intrigué que Cole. Là. Ouais. On m'en aurait pas plus dit que ça, puis j'aurais trouvé ça correct pareil. Ouais. Mais c'est vraiment bien monté, ces deux personnages-là. Autre point positif, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une série qui est. Je vais faire attention parce que des fois, quand on dit une série lourde, les gens voient ça de façon négative. C'est simplement que c'est une série qui est très noire. Game of Thrones, c'est une série lourde là en tant que telle. C'est une série qu'on va montrer des scènes très crues, on va parler de sujets très tabous. Ça va être des choses qui vont venir nous chercher. Et s'il y a quelqu'un qui me dit Game of Thrones, c'est jamais venu le chercher. Hey boy, ouais c'est ça. C'est ça. Fait que c'est des séries qui sont lourdes. Game of Thrones. Si tu t'attaches à quelqu'un, attache-toi pas trop. Oui, oui, oui, c'est ça. Si on veut pas. Bref. Hey, j'ai-tu pleuré, moi. Donc, c'est Game of Thrones en tant que tel, c'est une série lourde. Alors, ça peut être positif quand c'est bien fait. Là, c'est très bien fait. C'est une série qui est lourde et c'est très bien fait aussi. Ça vient nous chercher, ça vient nous poser des questions, justement. Ça vient nous remettre, ça vient nous déséquilibrer, justement, juste comme il faut. Alors, pas nous mettre en confiance, on n'est pas dans du velours, on n'est pas pris par la main. Voilà ce qui se passe, voilà, c'est ça la réalité. C'est bien monté, c'est bien montré, justement. Et c'est ça le point positif, c'est plus le fait que c'est bien montré. Les scènes, il y a des scènes d'horreur là-dedans, des scènes que je pense qui auraient été un peu choquantes, même je pense qui auraient été déplacées de montrer. Et c'est bien montré. Okay. C'est pour faire un lapsus. Ouais. Je peux penser ça le mot lapsus. c'est bien montrer ces scènes-là. On cache toujours la scène, on fait que le supposer, on est capable de s'imaginer de toute l'horreur, et je pense que c'est encore pire que le spectateur s'imagine qu'est-ce qui est arrivé finalement. On est capable de l'imaginer, ça. On prend pas le spectateur pour un fou, on le prend pas par la main. HBO a rarement fait, je pense qu'il a fait aucune vraiment série. Bon, il y a True Blood là, qui s'est gâté à la fin, là. Mais un roman fait vraiment de série où on prend le téléspectateur par la main puis qu'on lui explique tout comment... Exact. On laisse imaginer, on laisse découvrir, on laisse rentrer dans cette univers-là. Tu comprends pas écouter une deuxième fois, ça, pour vrai. Oui, c'est ça. C'est ça, puis vraiment, je pense que là, c'est tellement bien montré, c'est tellement bien supposé que ça tente pas tant de l'écouter une deuxième fois. c'est des scènes qui, normalement, il y a beaucoup de choses. Je pense à une scène en particulier que vous allez voir. Il écoute un film à un moment, puis il se passe quelque chose durant le film. Vous regarderez cette scène-là. C'est... On voit rien, mais c'est tellement malaisant. T'as pas le goût de réécouter ça. En fait, on dévoile tellement de choses, c'est ça que je voulais dire. On dévoile tellement de choses dans cette scène-là qui pourraient nous aider à comprendre l'histoire que non, ça tente pas nécessairement de la réécouter, même si on te dit clair et net. Là, ici, on te dit toute l'histoire, on te dit tout ce qui s'est passé. Donc, voulez-vous que je vous la dise, cette scène? Qu'est-ce que non. Donc, vraiment, c'est, je trouve que c'est le point positif. Alors, l'horreur est bien abordée des choses et c'est abordé aussi de façon... très cinématographique. Alors, pour que ça reste un divertissement. C'est comme un film de 8 heures, finalement. Oui, exactement. Comme toute bonne série télé, ben, finalement. Ça, comme ça devrait être. C'est ça, toute bonne série télé. C'est ça, finalement. C'est un gros film où c'est bien abordé, c'est bien monté. Puis, tu peux t'attacher aux gens parce que t'as pas rien qu'une heure et demie pour le faire. Exactement. Comme on disait là, avant de rentrer en onde, là, on peut s'attacher aux personnages. Là, ici, on le fait très bien, entre autres. Là, c'est un bon exemple. Le choix de narration aussi, un point très positif. Le fait qu'on ait les personnages qui aillent évoluer, qu'on rentre comme ça dans le cœur du sujet, qu'on voit vraiment les deux personnages qui sont évolués, puis qui commencent à parler finalement. On sait pas trop à qui, on sait pas c'est qui ces gens-là, c'est pas ils sortent d'où, c'est long avant qu'on les voit, avant que ces gens-là à qui ils parlent parlent finalement. Ah, j'aime ça, ça. C'est vraiment long, on a aucune, même eux sont cachés, on sait pas pourquoi ils parlent dans le fond. On a aucune idée de pourquoi ils racontent ça en ce moment, mais ils racontent, les deux sont dans deux pièces séparées, racontent chacun leur vision de histoire, et avec leur vision finalement, on va retracer les événements et on va avoir la version qu'ils disent en fond finalement, et on va avoir ce qui s'est passé réellement. Et c'est très bon justement de la façon que c'est fait, de la narration que c'est faite. Alors ça rajoute en plus du réalisme. Ils vont dire des choses que c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Puis on va le voir. Ça va pas. Il y a jamais aucun détective qui va dire c'est pas ça qui est arrivé, puis qui va se mettre à te le dire. Non, on va te le montrer dans une scène. Alors, par exemple, scène classique dans cette série-là, pour vous donner une idée du style, on va avoir la narration qui va se faire en arrière-plan et on va voir le plan réel de ce qui s'est passé au fur et à mesure. Et c'est là qu'on se rend compte en même temps que c'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose qu'il raconte. Et c'est très intéressant, ça, de ce style de narration-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et bien sûr, je le dirais jamais assez, construction des personnages, mais bon, je vais arrêter là-dessus. Point négatif? Point négatif, parce qu'il y en a. Il y en a. Malheureusement. Alors, la case horaire. Je suis obligé. Si le logo d'HBO dans le coin. Ouais, c'est ça. Le générique. Il tue long le générique. Donc, les points négatifs, parce qu'il faut être impartial. Je suis un amateur, comme je le disais avant, de séries policières, de choses policières. Si vous l'êtes aussi, vous aimez ça, découvrir, finalement, essayer de découvrir des réseaux de le crime, finalement, réseaux de ça. Les indices sont longs. Sont longs à arriver, sont pas nécessairement évidents. On veut tellement pas te prendre pour un épée qu'on dit quasiment rien pour que tu comprennes tout ça. C'est ça, puis je pense que c'est pas le but non plus. L'écriture, on dirait qu'elle est faite pour que ce ne soit pas le but que tu le découvres. Okay. Finalement, les indices sont quasiment accessoires à l'intérieur de la série. C'est pas ça le fil de l'histoire, vraiment. C'est pas ça qu'on veut te raconter. C'est un peu ma déception quand je me suis lancé là-dedans, et un peu au début, puis je l'ai dit, si vous voulez écouter cette série-là, ce n'est pas de l'aborder nécessairement comme une série policière. Ça a été mon erreur au début, puis j'ai eu de la misère à embarquer à cause de ça, curieusement. Avec tout ce que j'ai dit, j'ai eu de la misère à embarquer au début. Une fois embarqué, t'es embarqué en tabarouette, par exemple. Oui, c'est ça, parce que là, tu te prends au jeu, c'est là que tu fais bon, ok. je vais vraiment prendre la série pour qu'est-ce qu'elle est, puis je vais accepter ce que le réalisateur me donne et non avec mon idée prédéfinie que c'est une série policière, donc je dois découvrir des indices. Et ça m'a un peu gâché les trois premiers épisodes d'essayer de lire les indices, d'essayer de découvrir les indices, puis de comprendre, puis de faire des liens avec les indices. Prendre des notes. C'est ça, le lien. Ouais, c'est ça. Moi, dessiner je suis son écran. Ta TV à chaque fois. Moi, j'ai un grand mur, là. J'ai juste des post-it dessus avec des liens, des fils. Ouais, c'est des ça. Des punaises, on comprend pas trop ce que ça va. J'ai viré un petit peu obsessif. Mais non, je pense que c'est une erreur de faire. Les liens ne sont pas vraiment faisables entre les indices. Je trouvais que c'est... Moi, c'était un peu mon point négatif parce que c'est... On te l'annonce pas d'emblée, finalement, que ça va être ça, la série. Au début, vraiment, on te l'annonce... On te montre dans les premiers épisodes comme... C'est policier. Ça s'appelle True Detective, bâtard, tu sais. En plus, t'attends à quoi? En plus. Tu t'attends à Monk, genre, avec une moustache, puis... Ben oui, quelqu'un qui se sent sale, et oh qu'on se sent sale après ça. Donc, vraiment, les indices sont un peu mon point négatif. On focus peut-être pas assez sur les indices, on donne peut-être pas... Les indices sont pas évidents nécessairement à comprendre. Faut être un détective, finalement, pour comprendre ces indices, ouais. Autre point négatif, j'ai parlé de la lenteur. Des fois, c'est long. Bon, OK, on veut développer les personnages, on veut développer l'histoire, mais des fois, bon, OK, c'est correct, on a compris ça. Il y a des scènes tellement plus intéressantes qu'on peut te montrer plus loin. C'est tellement dommage. Il y a un des épisodes que je trouvais long, que j'étais, bon, mon Dieu, lui, c'est vraiment long. Ça finit quand? Je zappe jamais aucun épisode. Je l'avance jamais. Ouais. Mais là, j'avais le goût. Ça me tatillait le doigt. Pis c'est drôle parce que c'est une émission en 8 épisodes d'une heure. T'es pas supposé avoir de lenteur. C'est supposé être court, mais finalement, j'ai l'impression d'avoir écouté. Après avoir écouté ça encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir écouté 12 épisodes. Ah, wow. Puis c'est ce qu'on s'entend. C'est une bonne série, mais c'est la lenteur qui fait que il y a certains bouts que tu veux que ça avance plus vite. Peut-être des bouts que des gens vont trouver un peu moins intéressants. C'est ça, dans le fond. Fait que c'est cette lenteur-là, je l'ai pas fait, je l'ai pas avancé, mais dans cet épisode-là, entre autres, où je trouvais ça long, où j'avais le goût d'avancer, à la fin de l'épisode, il y a une scène tellement fantastique, tellement merveilleuse, une scène d'anthologie pour moi, carrément. Puis c'est vraiment dans mes goûts personnels. Je dirais pas dire que c'est une scène d'anthologie en général. C'est pas assez vieux pour pouvoir le dire de toute façon. Mais pour classique. Oui, c'est 2014. Ça, c'est un classique. On va en parler partout. on va prendre exemple là-dessus dans le cinéma après. Mais moi, c'est vraiment une scène d'anthologie qui s'est passée à la fin de cette plate de gâcher, si on veut, d'avoir une lenteur, d'être aussi long avant de venir à des scènes aussi intéressantes et aussi fun à regarder. À la fin, je vous dis pas c'est quoi la fin. Ben non. Mais. Pas en lien avec l'enquête, vraiment en lien avec d'autres choses, vraiment en lien avec les personnages encore, avec leur façon de vivre finalement, leur façon de voir la vie. La fin un peu kitsch, je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment au cœur de la série, ça n'a pas vraiment une importance, mais je pense qu'on aurait pu couper cette scène-là, tout simplement. Mais ça gâche pas la fin est la fin est bonne. Mais elle est un peu kitsch. Fait que sans vous dévoiler la fin, c'est ça, il y a un petit coup. En fait, c'est un petit truc qui est kitsch dedans. C'est pas la une morale ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a comme une espèce de petite morale qu'on essaie de nous passer à la fin. Non, mais il y a une lune en gros plan avec des étoiles. C'est bizarre. Ouais. fait que. Faut la regarder malgré ça et non pas pour. Oui, c'est ça. Tu sais, on passe tout droit, on peut passer par-dessus. Puis un autre point négatif, McConaughey qui revient pas. C'est mon point négatif. Ouais, c'est triste. Ouais. Je vais faire des notes, moi, à la fin de chacune des séries. T'es noté sur une échelle originale ou... J'aimais pas, moi, de 1 à 10. Non, je vais vous les noter, on va vous les comparer à des objets de la vie de tous les jours. Gueux. Fait que là, je les. Fait que ma note, c'est une commode en bois qui sent le cèdre frais. Fait que c'est ça, ma note. Ok. Mais t'as peu, hein, le bois, est-ce que ta commode, il y a une teinture ou c'est brut? Ouais. Non, c'est brut. Brut, rare. Noisetier, c'est quoi la sorte de bois? Plus, ouais. C'est ça, en cèdre, ça sent le cèdre. Ça sent le sapin. Je sais pas si ça se fait en cèdre. Un petit Marcel qui sent. Mais c'est ça sent le conifère. Je veux dire ça de même. Matthew McConifère, comme on l'appelle. Matthew McConifère. Fait que c'est lisse. C'est lisse. Ouais, c'est bien fait. C'est une série que j'ai vraiment aimée. Je vous invite à la découvrir. Laissez pas un verre d'eau dessus, ça va faire des petits anneaux. Non, c'est ça. Faites pas ça, par contre. C'est une série, bon, on a tout un peu on va tout aimer quelque chose, des choses qu'on va peut-être un peu moins aimer. Je pense que tout le monde peut l'écouter, tout le monde va trouver quelque chose qu'il va aimer dedans. Si c'est quelqu'un qui aime pas tant les séries policières, va tout à fait s'y retrouver aussi dans une série comme ça, comme quelqu'un qui adore les séries policières, mais toujours avec un averti. Alors, toujours, bon, attention, c'est le sujet est lourd. Certaines personnes n'aiment pas ça. Le sujet est lourd, malheureusement. C'est à la mode, de toute façon. Oui. Puis HBO, on s'y attend dessus. Et, bon, la série policière, oui, mais pas trop. Pas trop d'indices. Mm-hmm. Donc, c'était pour la série. Voilà, True Detective. Ouais. Est-ce que tu veux deviner combien de temps on a passé à parler de True Detective juste pour la fin? Sais pas, mais je suis sûr que j'ai pété mon temps. 53. Je te l'ai dit. 53 commodes. Je faisais 53 commodes. Mais moi, j'ai adoré ça. Puis moi, je te réservais de une heure et demie à chaque semaine. Ah, c'est ça. C'est ça. J'aimerais qu'on continue sur d'autres choses, mais je pense qu'on va devoir se quitter là bientôt. Moi, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, c'est ça. Sans doute, je ferai. De toute façon, on est dans le test. De toute façon, c'est la première fois que je ferai ça. On s'amuse. C'est pas perdu ce que j'ai fait un peu plus loin, parce que c'est ça. J'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais un jeu, puis tout ça, puis je me trouve bien, bien le fun. Je les rattraperai un peu plus loin dans d'autres chroniques. Fait que quand on aura du temps à combler, je rattraperai ça. Et la prochaine fois, on s'amène du popcorn. Vraiment, oui. Et le pire, c'est qu'on a de la bouffe, mais on fera pas ça non plus aujourd'hui. Non, on mange pas le temps. C'est ça. Mais une autre fois, on va te réserver une case où tu vas être juste à côté d'une chronique alimentaire de toute façon, fait que tu vas pas manger tout ça. C'est vrai. Au pire, on commencera à manger pendant cette chronique. On écoutera les séries en même temps. C'est ça. C'est comme quand tu reviens du McDo, tu te manges des frites en même temps que tu t'en viens en char puis t'en restes plus quand tu es chez vous. Non, moi je fais pas ça. Non? Moi je commence tout en même temps. Je trouve que c'est sacrilège de faire ça. Okay. Je ne touche à aucune frite. Même pas une de mes croquettes. Non. Mais non. Faut que tu t'installes puis tu sois toute prête, toute bien confortable, en pyjama, tu as le temps de te changer, t'installer ton verre d'eau. Mm-hmm. Bon. Sur ça. Avant de se quitter, on garde encore quelques instants parce que oui, on défonce, peut-être pas avec le reste de ton contenu parce que là, on défoncerait vraiment plus que ça. Mais j'avais envie qu'on écoute la chanson thème de True Detective. Ça tente-tu d'écouter ça avec nous? Ah, je pensais qu'on allait réécouter Garouche à sa coche. Je vais vous accompagner. C'est The Handsome Family, voici Far From Any Road. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cat. J'avais pas vu que le producteur exécutif était Woody Harrelson sur la série. C'était l'intro, la chanson complète de l'émission True Detective par The Handsome Family. L'extrait s'appelle Far From Any Road. On parlait avec Frédéric Bernard dans sa chronique Crackpot TV. Et on va le retrouver tous les mercredis à 8h30 pour une autre chronique télévisuelle. Et on vous promet les prochaines fois qu'on va faire un petit quiz, puis peut-être parler de séries à ne pas écouter. Ah oui, je reviendrai la prochaine fois avec un format un peu plus court. On va survoler un petit peu plus la série, puis plus y aller sur le cœur de qu'est-ce qu'il y en a, que j'en ai pensé, puis à quel objet c'est comparé. Yes, mais donc on s'est pas mal amusé ensemble, puis c'était vraiment cool de t'avoir. Donc Frédéric Bernard, un nouvel ajout à l'émission. On te félicite, vraiment. C'est cool. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ah oui, on est juste deux à applaudir sur la loser, mais c'est pareil. Je sais que tout le monde applaudit en ce moment. Probablement. Frédéric Bernard est retrouvé là à la Luître, la Ligue des Pros, les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie. Nous, ça va être la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui déjà. Oh. Faut bien que ça finisse. Non. Non, ah mais... Oui. Il nous reste encore tout plein d'autres jours dans cette session hivernale. Demain, on sera là entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Dans une heure et quelques, il y aura Dîner de con avec Danny Janvier. L'émission qui joint l'inutile à l'agréable. Ah! Tu vois, Jean? Donc, le Dîner de con à 11h. Ensuite, à 13h, ça va être le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ça, c'est moi. Mm-hmm. On change de jour. Donc, nouveau jour, même heure, même geekery. On est mercredi à 13h. Après ça, à 15h, je vais être là encore et toujours pour les paroles assez fous. C'est rendu qu'on met toutes mes émissions le même jour. Ça, même donc, si ça vous tente pas de Mathieu Plante aujourd'hui, on change de poste. Pas de mercredi. Mais on revient demain. C'est ça. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Steph. Merci Mathieu. Et merci à vous d'avoir été là. À demain. Bye. 6h30, bye.